Bonjour, nous allons jouer à un petit jeu. Oh, un petit jeu, c'est quoi? Ta gueule et écoute-moi jusqu'au bout. La dernière fois, tu as survécu à la lecture de Monster Musume. Oh. Vas-tu réussir à survivre à celle d'infection? Nouveau numéro de Casse sur Table. Et joyeux Hanouka. Mais oui, mais moi je m'en fous, hein. Vous me donnerez la partie, je capte tout et on met tout côte à côte, hein. C'est bon. J'ai vu sur les quelqu'un qui surveillait. Votre podcast manga, comics et BD, en règle générale. Avec moi autour de la table, des nouveautés pour en parler ce mois-ci. Je suis avec Alex. Salut. Nécro. Salut. Et Issam. Salut. Messieurs, comment allez-vous? Ça va, et toi? Tranquille. Bah, très bien, très très bien. Comme d'habitude, petit tour de table pour savoir vos dernières activités hors podcast. Nous allons commencer aujourd'hui par Issam. Bah écoute, toujours l'archiviste de mon côté, et puis sinon j'ai découvert le jeu Cuphead et ses fans. Ah. Toujours une vie de branleur donc. Ah toujours, oui. Non mais c'est vachement bien, c'est super beau, ah, mais Cuphead, côté c'est... vieux dessin animé, puis c'est bien génial. Dur. Très référencé niveau, oui, niveau vieux dessin animé des années... 60, plutôt, ouais. Même t'as années 30 pour certains passages. Ouais, même, ouais. Ouais, c'est ça. Musicalement, ça fait plus années 30. Ouais, ouais, une ambiance musicale très jazzy. Ouais, c'est ça. Donc un jeu qui est disponible sur PC et Xbox One pour les courageux qui ont acheté une Xbox One. Avec plein de références en plus dans le jeu. Ouais, et puis un mode de joueur où on peut vraiment jouer sur le même ordi, sur la même console. Ça devient de plus en plus rare, ça. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que la difficulté n'a pas été rehaussée pour le mode de joueur. La difficulté est la même. Ouais, c'est, donc au final, c'est plus simple. Alors en fait, c'est déjà oui, bien non, dur, parce qu'en fait, le timing, sur certains, surtout sur les boss, et la lisibilité de l'écran quand t'es à deux joueurs, fait que finalement, c'est pas forcément plus simple à certains moments. Bah, après, genre, quand t'as les plateformes qui apparaissent, disparaissent, des trucs comme ça, qui bougent dans le sens... Enfin, oui, t'as tendance à te m'emmêler, et puis... Après, faut pas jouer avec un kéké, quoi. Moi, je suis d'accord avec lui. Toi, tu es toujours d'accord avec lui. Il dit pas des choses bêtes, donc c'est bien. On sait pourquoi tu t'es mis à côté de lui tout de suite, hein, aujourd'hui. En plus, je suis très tactile à ce qui paraît. On est toujours disposé pareil, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien que tu le remarques. C'est vachement audio ce qu'on dit là. Vous ne voyez pas, hein, vous, à l'écran, mais nous. Nécro, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Du pixel art. Ah bah c'est super. Mais tu débutes ou. Comment ça? En fait, c'est tous les layers qu'il me faut pour mes vidéos que je travaille. Donc tout ce qui va être par exemple l'encadré d'image, tout ce qui va être des petites animations qui serviront pour les intros de vidéos, toutes ces choses-là, c'est ça que je prépare. Pour les futures vidéos du Necronomicon. Voilà. Et en plus, puis je harcèle ma dessinatrice de façon à ce qu'elle me passe mon fond de base, parce qu'elle m'a fait un magnifique fond, de personnage qui est très bien, hein, avec plein de références, tout ça, et derrière, elle me l'a flouté pour faire un effet de profondeur, sauf que du coup, on perd tous les détails. Donc du coup, tant pis, il sera pas flouté, ou moins flouté, mais là, je peux pas gâcher son travail comme ça. Ça a intérêt à être bien, son émission, quand elle sortira, parce que c'est aussi long à venir qu'un tome de Hunter x Hunter. Hein. Oui. En même temps, j'ai pas de formation du tout là-dessus. Hein. Ouais, c'est la bonne excuse, ouais. Bah, en même temps, qui a une formation YouTube aujourd'hui? Bah, il y en a qui ont des formations de communication. Pratiquement tous les gros YouTubeurs ont eu des formations de communication avant. Et c'est pour ça que ça se voit, en général, quand ils font un truc. Voilà. Et puis, il y a des grands YouTubeurs qui font des livres sur comment devenir YouTuber, maintenant. C'est vrai. Il y a qui veulent qui vendent des méthodes à 99€ pour être YouTuber. Mmh. Puis tu peux prendre des heures de coaching, je pense. École de YouTuber qui t'apprend à faire des trucs qui marchent. Ouais. Oh, c'est horrible, ça. Mmh. Alors aujourd'hui, on va apprendre à éviter les droits d'auteur. Ah merde. Oh non, bah ça, je pense que... Aujourd'hui, on va apprendre à faire des pouces bleus. Des expériences sociables. L'esprit, c'est plus mettre les bons tags, des trucs comme ça, j'ai l'impression. Mmh. Alex, j'ai lu Infection, et ça, c'est mon actualité. Non, j'ai pas fait grand-chose ce mois-ci. Beaucoup de boulot, donc pas beaucoup de loisirs, malheureusement. qui est comme moi. Ouais. Très triste, car moi aussi, effectivement, pas beaucoup de loisirs. Très très peu de loisirs. Mais du coup, on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet, à vous parler manga et comics. Et nous allons parler d'un titre édité par Panini, intitulé Wonderland, écrit et dessiné par Yogo Ishikawa. C'est un titre que nous avons tous lu autour de cette table. C'est un titre que nous n'avons pas apprécié des masses, pour des raisons plutôt différentes. C'est très moyen, très moyen. Bah, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se réveille dans sa chambre et qui se pense encore en plein rêve, parce que bon, tout est devenu grand, enfin elle est petite. Son chien est énorme à côté d'elle et tout. Au début, elle a juste l'impression que c'est un rêve. Sauf qu'à un moment, elle comprend que c'est la réalité, que tous les animaux, type par exemple les... surtout les oiseaux ont pété des câbles complètement parce qu'ils attaquent vraiment plus que s'ils attaquaient les insectes. Les animaux ont vraiment pété des câbles. Il n'y a que son chien qui est friendly. Et le chat de la maison a décidé de s'attaquer aux parents. Ouais, tout le monde, de façon en fait. Bien crade. Alors, ce qui est chiant dans ce manga-là, c'est très bien dessiné. C'est très bien dessiné, les ambiances sont bien posées au début. Par contre, après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a de la répétition. La répétition d'action. Enfin, on a l'impression à un moment que ça tourne en séquence. C'est-à-dire, t'as un moment d'action, t'as un moment de calme. D'un seul coup, t'as quelqu'un qui va se faire choper par un animal. Puis un moment d'action, puis un moment de calme. Et puis à un moment, on se fait chier. Et puis après, il y a l'armée qui arrive. Et finalement, on se rend compte que... bon, c'est des méchants. Il y a peu d'espoir dans ce monde. C'est ça, c'est très cliché au final. Et c'est ça. Il y a un moment, ce qui justifie le titre, hein, parce que il y a un titre, c'est Alice. Oui. Il y a une jeune fille qui s'appelle Alice, qui est habillée en cosplay d'elfe guerrière, et qui ne parle pas la langue. Qui ne parle pas la même langue que les personnages principaux. Et du coup, c'est... Si, elle a l'air un peu surcheatée, puis on sait pas ce qu'elle fout là. Et ouais, elle a l'air d'avoir des pouvoirs vers la fin, on sait pas trop. Voilà, c'est qu'on sait pas ce qu'elle fout là, mais moi je m'en fous un peu. Ouais, voilà c'est ça. C'est qu'en fait, on s'en branle. C'est super. Mais c'est dommage, parce que j'avais vraiment de l'espoir pour celui-là, je le trouve très beau. Ah, mais le premier cycle, je veux dire, même avec le... Jusqu'à ce qu'elle sorte de chez elle et tout ça, enfin, je veux dire, là, pour... je me disais, putain, ça a l'air pas mal, quoi. Moi, déjà là, je trouve qu'il y avait des soucis de rythme, ça dure une plombe. Ouais, l'intrigue de base, je la trouve sympa. Le postulat de départ est, peut être original, après, c'est ce que l'auteur en fait, quoi. Ouais, bah, ouais, comme l'a dit Nicro, c'est qu'au final, on se fait chier, quoi. À la fin, on n'a pas envie de savoir la suite, parce qu'on se dit, je m'en fous, quoi. C'est ça. Alors après, il y a des trucs qui sont pas réalistes. Je veux dire, par exemple, là, je reprends un truc. Des trucs qui sortent hein, de... Les flics qui font dériver la voiture en étant tout petits, ils sont quatre miniaturisés, ils touchent à peine le volant. Travaillent comme des fourmis. Ouais, je veux bien. Alors, sinon, il y a d'autres choses qui sont à gérer sur une voiture. C'est le frein. Moi, c'est même pas ça qui m'a le plus perturbé. C'est qu'à un moment, il y a une espèce de sorte de gang de bikers, là. T'as l'impression que les mecs, ils sont là depuis la nuit des temps. Ouais. Tu dis, mais putain, mais ça s'est passé dans la nuit. Ça y est, vous avez déjà formé une espèce de société toute nouvelle, là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah, c'est les méchants de Ken le survivant. Ouais, c'est ça, quoi. Mais dans un magasin de jouets. Mais sauf qu'ils viennent d'apparaître, quoi. Tu sais, le problème vient d'arriver et ça y est, c'est déjà l'anarchie partout, quoi. Non, mais c'est pas grave, parce qu'il y a ceux qui sont déguisés en peluche et qui doivent pas voir grand-chose, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est bizarre, que, quoi. Vu comment c'est foutu, le costume, c'est pas des costumes, c'est vraiment des peluches. Les mecs, ils se sont enfermés dans les peluches pour être discrets. Évidemment, tu te dis, ouais, ils ont 50 cm de coton devant la gueule et voilà, c'est tissu, donc ils voient rien. Même, je sais pas comment ils font pour respirer là-dedans. Ah, mais tu respires pas. Ils sont morts, en fait. C'est bizarre, quoi. Ça doit être la vraie magie du truc, c'est qu'en fait, ils auraient dû tous mourir. Donc, ouais, voilà. C'est pas très très bien. Et sinon, si jamais c'était une maladie, parce que c'est pris comme une maladie, je comprends pas pourquoi les vêtements auraient réduit. Oui, il y a ça aussi. Il y a des trucs, il y a plein de trucs qui sont... Ouais, qui tiennent pas la route quand ils réfléchissent. Voilà, au bout du 15e, ta gueule, c'est magique, tu dis, allez vous faire foutre. Toi, je crois que même graphiquement, ça t'a pas... Ah, moi, même graphiquement, moi, ça me laisse indifférent. Pareil. Moi, je trouve qu'on sent le numérique et ça me sort du dessin. Je sais qu'Alex, du coup, c'est pareil. Ouais, pour moi, ça me fait penser à du Gantz, mais encore moins bien. Ouais, encore moins bien maîtrisé, ouais. Ouais. Il disait Gantz, voilà. Oh, je trouve que c'est un côté mignon que Gantz a pas. Personnellement, je préfère le graphisme de ça qu'à celui de Gantz. Après, Gantz n'avait pas vocation à être mignon aussi. Oui, je sais bien. Il avait juste vocation à être trash et, trash, et à montrer des boobs. Action, et puis voilà. Ça se voit, les boobs, oui, ça. Dangrand. C'est peut-être ce qu'il dessine le mieux. Ah, la scène avec le chien. Dangrand, c'est les boobs. Bah ouais, dans l'anime. Je sais pas, j'ai pas plus lu que ça, j'ai pas vraiment lu Gantz, justement parce que j'adhère pas du tout au style graphique. Non, parce qu'à un moment, il y a une nana à poil qui se fait lécher par un chien. C'est pour lécher par un chien. J'ai déjà dû voir des vidéos comme ça en traînant sur internet. Hein. Et je laissais les méchants avec le survivant. Et du coup, ce qu'on a oublié de dire, c'est que ce phénomène-là, il ne s'applique que à la ville. Oui, c'est ce que j'ai dit, un quartier de la ville. Voilà quoi, c'est. Sans plus d'explications. Visiblement, le gouvernement est au courant. C'est ça, de ce qu'on comprend, ça a l'air d'être une expérience un peu bactériologique et... Oui, parce que c'est ça, ça s'est produit en une nuit, ça s'est produit, mais il y a déjà les barrières de sécurité et tout, quoi. Tout est déjà prêt, donc... Puis c'est pas mal, l'expérience bactériologique qui s'arrête aux frontières. Ça y est, le pouvoir, ça y est, je l'ai, le pouvoir de... C'est comme le nuage de Tchernobyl. C'est ce que j'allais dire, il s'est tu as oublié le nuage de Tchernobyl, il n'avait pas son passeport, donc il n'est pas venu en France. La Alice en question, ça y est, elle a le même pouvoir que la Alice dans les films Resident Evil. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut faire saigner les gens des oreilles sans rien dire, simplement avec le contrôle mental. Si ça se trouve, en fait, c'est une référence à Resident Evil, pas du tout à Alice au Pays des Merveilles. Oh la vache. Bah non, parce qu'elle est habillée en Alice à un moment. Et si on passait à autre chose? Ouais, on va passer à autre chose. Donc, ouais, on recommande pas trop. Non, trop. Non. Pas du tout. Par contre, le prochain titre... En plus, c'est cher. OSEF sur 20, oui, à 9 euros. Mmh. Oui, en plus. À 2 euros de moins, on a des trucs qui sont vachement plus cool. C'est un ennemi qui se fout bien de la gueule du monde. Encore. Surtout pour une édition qui n'a rien d'extraordinaire. Ok, plus que banal. Avec le papier dégueu, comme d'hab. Enfin, je veux dire, pour du Panini, c'est presque une belle édition comparé à ce qu'ils ont fait sur les Rôdeurs de la Nuit, voilà, par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, même la couverture... Même la couverture... je veux dire qu'une fois qu'on a retiré le protège-couverture, bah, c'est la même chose en noir et blanc, hein. Et... Non mais voilà. Ouais, OSEF sur 20, je sais pas. Panini, c'est ça, OSEF sur 20. Spécialiste du travail éditorial de qualité. C'est ça. Ouais. Allez, passons à autre chose. Passons à une autre lecture que nous avons tous lue. Ah oui, à côté du PQ, c'est très, oui. Oui, car nous enregistrons dans les chiottes de la librairie. Voilà. Le seul endroit qui est chauffé. On est un peu à l'étroit, hein, par contre. Oui, mais si quelqu'un a une envie pressante, au moins... On est sur place. On est sur place. Bon. Passons au prochain titre, un titre comme je l'ai dit il y a quelques secondes, que nous avons tous lu, un titre que nous avons tous apprécié, édité cette fois-ci par Kurokawa, écrit et dessiné par Hikaru Nakamura, à qui l'on doit Les Vacances de Jésus et Bouddha, Père Fouettard Corporation. Alors, Père Fouettard Corporation, c'est l'histoire d'un jeune homme, Miharu, qui malgré ses diplômes, ne trouve en boulot qu'un travail tout pourri dans une supérette, où il se fait insulter par les clients et par... Oui. Et par les autres employés, ouais, tout le monde, quoi. Et où il est légèrement exploité. C'est ça. Et un jour, même pas vraiment volontairement, le soir de Noël, il part de la supérette en emportant un invendu, un gâteau invendu, en se disant bah, « je vais le manger moi-même ». Alors c'est interdit. Alors que c'est interdit d'emporter les invendus avec soi. Ouais, il va même le récupérer dans la poubelle. Hein. Ouais, c'est la première fois. Il va le jeter, mais il fait « hop là, c'est bon ». Les bonnes vieilles lois sur les invendus. Et Petit message envers Carrefour, peut-être. Ah, Carrefour, lui, il fournit un peu. Hein. Bref. Et donc, il va tomber sur un marchand de quoi? De marronchaux, je crois, non? Non, de tripes. De tripes. À qui il va commander un plat. Et là, il va avoir un flou, en fait. Il va plus se souvenir de rien pendant une période. Et puis, il va surtout se faire bouffer par un sac. Oui. J'avais oublié ce détail. Il se fait bouffer par un sac. Et du coup, il a une période de flou, ce qui est compréhensible. Et il se réveille dans un grand complexe au pôle Nord. Sacré bad trip. C'est où on lui apprend qu'il est en fait dans l'atelier du Père Noël. Sauf que le Père Noël est mort et c'est le Père Fouettard qui a repris le contrôle des activités. Alors, petite spécialité quand même, quand il se réveille dans le complexe en question, au début il se réveille dans sa chambre. Oui, ils ont reproduit sa chambre. Voilà, dans le complexe. Quand il regarde la fenêtre, c'est là qu'il se rend compte qu'il n'est pas tout à fait chez lui. C'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il pense que tout ce qui s'est passé avant était un rêve. Et donc il apprend que voilà, du coup, ce dont il va s'occuper, c'est pas des cadeaux pour les enfants sages comme le fait le Père Noël, c'est d'offrir des trucs décevants aux enfants passages, parce que c'est la mission du Père Fouettard. Et il apprend aussi que là-bas, on peut avoir des CDI vachement bien payés, sauf que en fait, en tant que en fait de CDI, en réalité, c'est des CDD puisque c'est une sorte de prison, quoi. C'est des sortes de travaux forcés. C'est un travail pour de ceux rédemption. Qui ont fait des... Pour ceux qui ont commis des fautes voilà, ils vont faire leur rédemption dans l'atelier du père Fouettard. Alors, donc lui, il doit faire un an pour avoir volé un gâteau, ce que je trouve quand même sévère. Des misérables modes. Ce que j'aime bien, c'est en fait le père Fouettard, vu que c'est pas le père Noël et qu'il fonctionne pas en gain, mais en punition, bah du coup, pour savoir si un cadeau est bien ou pas, il utilise une échelle de frustration pour savoir si l'enfant est frustré ou pas si on lui offre tel truc. Du coup, c'est moins la frustration est importante, plus le cadeau est bon, du coup. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Le fait de bousculer l'école. Et aussi, un autre truc très marrant, c'est que la mascotte qui porte la tenue du Père Noël, c'est la mascotte KFC. Oui, oui. C'est en train de bouger les trucs à côté, je sais pas. On prépare la prochaine rubrique. Okay. Et puis, Miharu est super bon, justement, pour juger précisément la frustration et donc pour offrir pile le mauvais, du coup, cadeau. C'est ça. Aux enfants qui n'ont pas été sages. Et du coup, on est face à un manga très drôle. Vraiment. C'est très drôle, l'univers est complètement barré. Oui. Ça se sent résumé, en fait. C'est un amoncellement de trucs qui ne vont pas ensemble. C'est ça. Mais qui fonctionnent ensemble. C'est comme si tu ouvrais une horloge et que tu te rendais compte qu'il y avait des roulettes en pain d'épices ou des trucs comme ça et tu te dis, mais ça fonctionne ça. Il y avait la vodka derrière. Et voilà, c'est. Voilà. Les personnages sont très cool. Ouais. Non, c'est cool, c'est bien dessiné. C'est en propre, fait... mais je trouve ça plutôt classique. En fait, le chara-design est sympa et oui, il fonctionne. Voilà. C'est efficace, on va en dire. En termes de chara-design, oui, d'accord. Moi, ouais, j'aime bien son chara-design. Hein. Mm-hmm. Quand je dis c'est bien dessiné, je parle pas forcément à chaque fois d'un chef-d'œuvre. Hein. Oui, d'accord. Oui. Je parle par rapport à ce que c'est, ça fait franchement le taf. Voilà, là par exemple, quand tu vois le posing du père Fouettard. Ah oui, et puis il y a des trucs qui au début ont l'air mignons et en fait sont creepy. C'est-à-dire qu'il y a une mascotte chapeau dedans, on la trouve creepy très vite. Hein. Bah, même sa collègue, qui est super gentille. Ouais, super voilà, enjouée. Qui est super tous enjouée, les collègues. Mais t'apprends qu'elle est là pour plus de 10 ans, donc... Tu te doutes qu'elle a fait... Potentiellement, elle a fait vraiment de la merde. Elle a pas juste volé un gâteau, quoi. C'est ça. Ah non, mais potentiellement, il y en a qui ont tué des gens hein, là-dedans. Mais ils sont là, ils sont cool, ils sont gentils, ils font partie... C'est très corporate, hein. Après, tu peux très bien tuer les gens gentiment, hein. Ouais... Peut-être. Bah, c'est dit à la fin, hein, pour obtenir un emploi à vie ici, deux possibilités. On peut commettre deux, trois petits meurtres et prendre perpète, ou bien on peut devenir le Père Noël. Voilà, parce qu'il faut quelqu'un pour devenir le Père Noël maintenant qu'il est mort. Bah oui, faut trouver un remplaçant quand même. Donc ouais, vraiment, grosse recommandation sur celui-là. On t'a pas beaucoup entendu, Alex. Non, ça a été bien résumé. La force de ce manga, je pense, c'est le fait de dénaturer le mythe de Noël tout mignon, tout gentil, en parlant du père Fouettard et de tout ce qui implique, justement, de livrer les pires cadeaux. C'est vrai qu'il n'y a pas un sujet souvent abordé, en plus. Il y a plein de gags sur ça, et c'est génial, quoi. Petite précision marrante, c'est qu'au niveau culturel, normalement, le père Fouettard, ça n'existe pas vraiment au Japon. Bah on a tous notre Perfouettard, quoi. Et en fait, il y a le personnage principal qui va le dire à un moment, c'est « Mais ça n'existe pas chez nous, le Perfouettard !» Bah ouais. C'est pas grave. T'es après, quand même là. Après, tu me diras, le mythe de Noël non plus, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. De base. Ça, c'est plus ou moins apporté, quand même. Oui, oui. Bon, après, eux, c'est bouffer du KFC, justement. Et puis, surtout, Noël, chez eux, c'est surtout un truc qu'on fait en couple. Alors que chez nous, c'est plus un truc qu'on fait en famille. C'est la différence. Et voilà, c'est très sympa. Je m'attendais à rien quand je l'ai lu. Je sais pas pour vous, moi je m'attendais vraiment à rien au début. Moi j'avais bien aimé la précédente série de l'auteur, donc Les Vacances de Jésus et Bouddha, donc je m'attendais à retrouver un truc un petit peu délirant, mais c'est quand même plus drôle que Jésus et Bouddha. Qui est des fois un humour assez pince sans rire, assez particulier. Et ce qui est bien, c'est que la fin te donne envie d'aller lire la suite. Oui. Bah ouais. Contrairement à Wonderland, voilà. Tu veux dire. Non, mine de rien, ça se perd, ça, de donner envie au lecteur d'aller voir la suite. Ah oui, parce que finalement, en plus, t'as juste assez de background pour connaître un peu les personnages et t'y attacher, mais à côté de ça, tu ne sais pas grand-chose d'eux et t'as envie d'en savoir plus. Mm-hmm. Voilà, c'est distillé de façon correcte. Il n'a pas ouvert énormément... Enfin, elle n'a pas ouvert énormément de portes dans son histoire, mais au moins... Il y a des portes qui sont entrouvertes et c'est cool. J'ai envie de voir la lumière qu'il y a derrière chaque porte. Voilà, c'est ça, t'as envie de savoir ce que les collègues ont fait pour se retrouver là, t'as envie de savoir... Ce que va faire le héros, parce que techniquement, il n'en a pris que pour un an. Oui. Et il est plutôt content d'être là, parce que c'est super bien payé. Et il est en CDI. Oui, en plus, CDI pour un an, quoi. Et puis, t'as aussi envie de savoir qui va remplacer le Père Noël, parce que tu te doutes que ça va arriver au bout d'un moment. Oui, mais ça fait plaisir à sa mère qu'il ait un CDI. Oui. Vous vous embêtez les couilles, ce que je dis, par contre. Oui. D'accord. Tu parles de Macron, on s'en bat les couilles. Je parle pas de Macron. C'est lui qui parle de Macron. Non, mais c'est nous la politique. Ah la vache. Tu me sers un petit Ricard, s'il te plaît. Avec des cahuètes. Avec des cahuètes. Il y en a là. Moi, je dis, on n'est pas dans la merde. Ouais. Tous les mêmes. Oui, oui, oui. Non, sinon, par contre, moi, c'est un de mes coups de cœur, un de mes deux coups de cœur de ce mois-ci. Ouais. Enfin, c'est le coup de cœur manga. Le premier étant Wonderland, on l'a bien compris. Mm-hmm. Moi, pour le coup, ce mois-ci, il y a pas mal de trucs que j'ai vraiment aimé, hein, donc ça va. Dont le septième de la liste. Il va vous étonner. Ouais, on en reparle plus tard. Ça sent qu'il y a un arc de déjà-vu dans le septième va vous surprendre. Messieurs, on en a fini avec Père Fouettard. Bah oui. Bah oui. Non, et puis ça coûte 1,50€ de moins que Wonderland, avec un plus joli travail éditorial, plus joli papier, joli couvre. Il est temps de passer au troisième titre de cette sélection, il est temps de passer un petit peu côté comics, un comics édité par Delcourt, écrit par Brubaker et dessiné par Sean Phillips, colorisé par, je suis pas devant, est-ce que tu pourrais Brett dire Weiser. Alex, voilà. Weiser. Kill or be kill. Killed. On suit, tu t'occuperas d'un prochain. Ouais, c'est d'accord. Nous suivons la vie de Dylan. Est-ce qu'on peut qualifier Dylan de putain de loser? Bah, disons que ça va pas très bien. Quoi. Voilà, ça va pas très bien. Disons qu'il est chaud, il est au chaume du. Sa meilleure amie, dont il est amoureux secrètement depuis sa putain d'enfance, sort avec son meilleur pote. Son meilleur pote un peu qui de sa gueule aussi. Voilà, meilleur pote qui est un petit peu golio, un petit peu con quand même. Bon, on sait pas trop quand même. Enfin, voilà, c'est ça. Il a pas l'air méchant, mais il a l'air un peu con. Voilà, disons qu'il y a plein d'événements dans sa vie qui le poussent à vouloir faire une tentative de suicide. Mmh. Tentative de suicide qu'il rate, parce que quand on est un loser, on l'est jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais. Un démon va décider de passer un pacte avec lui en lui disant écoute mon coco, donc il doit au moins une vie contre une vie, une personne tous les mois une personne. Et du coup, vu que Dylan c'est un loser mais c'est quand même un brave type dans le fond, il va se lancer à la quête des pires salauds. Au début il hésite un petit peu, il se demande s'il a pas perdu la boule, voilà. Puis ouais, il y a toujours cette petite interrogation, est-ce que c'est dans sa tête ou alors c'est vraiment un mythe fantastique comme ça dans l'histoire. Mais après, au bout d'un moment, il va quand même bien se rendre compte que non, c'était pas du tout un rêve. Il doit le faire, ouais. Et il va, du coup, il va se mettre à enquêter un petit peu sur des gens pour savoir s'ils méritent ou pas de mourir. C'est le petit côté Dexter, du coup. Bah, au début, il va chercher dans son entourage, forcément, c'est plus simple. Il va se souvenir que le frère d'un de ses amis d'enfance se faisait violer par son grand frère. Avait peut-être des tendances un petit peu pédophiles, et du coup, il va décider de lui régler son compte. Et donc, voilà, on va suivre le destin de ce mec-là. Donc dans une ambiance très polar, forcément, comme d'habitude avec Brubaker. Ouais, puis en plus, au cours de l'histoire, Dylan, du coup, il va changer un peu de caractère, il va gagner en assurance. C'est ça, il va s'affirmer. Il va s'affirmer, il va retourner voir sa meilleure amie, justement. Voilà, il va se passer des choses. C'est ça. On va peut-être pas trop en dire non plus. Non, non. Pendant qu'Issam est en train de regarder les pages. Le dessin classique. Ah, mais je maintiens, c'est bien fait, mais je trouve ça académique au niveau dessin. Là, là, là. Mais c'est bien fait. Mmh. Du coup, Alex et moi, on trouve ça magnifique. Ouais, magnifique, ouais. Vraiment. Que ce soit le dessin, les ombrages, les couleurs. Moi, personnellement, je trouve que tout est réussi dans le bouquin. On va le faire passer à Nécro, parce que, histoire qu'on ait un petit peu son avis aussi. Mais oui, il y a des planches comme ça. Je trouve qu'il y a des planches. Au niveau couleur, au niveau ombre, c'est juste super réussi. C'est du bon Brubaker. Alors, c'est édité par Image Comics aux USA, et Brubaker et Phillips, c'est un duo qu'on a souvent vu ensemble, c'est un duo qui se connaît, qui travaille très souvent ensemble. Sur cette série-là, ça se marie parfaitement bien. Il y a vraiment un vrai travail de mise en scène entre la narration de Brubaker et le dessin de Sean Phillips, qui éclate vraiment, contrairement aux autres trucs qu'ils nous ont fait, qui sont peut-être un petit peu plus classiques dans la mise en page. Parce que sinon, ils nous ont fait, donc, du coup, Criminal, Fatal, Incognito. Est-ce que c'était Sean Phillips qui était avec Brubaker sur Gotham Central? Je suis pas sûr. Mais c'est vrai, ouais, tu fais bien de parler de Criminal. Justement, à mon avis, c'est le fait d'avoir eu cette expérience-là, ça a permis de mieux réussir, justement, Kill or Be Killed. Ouais. Sur ce sujet-là, quoi. Bah, c'est vraiment sympa. Je repère des trucs qui sont pas souvent utilisés. Genre, par exemple, souvent... Dans le dessin, quand il y a un arrière-plan et que le premier plan est bien net et que l'arrière-plan est un petit peu effacé, il y a tendance à avoir un espace entre les éléments du premier plan et de l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. Et je remarque qu'au fur et à mesure, au début, c'est comme ça, et au fur et à mesure, on voit que le décor est attaché, tout est attaché. Il n'y a plus cette rupture de détails. Voilà, si tu regardes les traits des bâtiments et de ce qui est en premier plan, par exemple, ouais, ouais. Il n'y a pas de rupture du tout. Ça fait vraiment un tout, et c'est cohérent, ça fonctionne. Pareil, par exemple, les arbres, les branchages sont complètement noirs, ce qui fait que ça permet de faire les détails arrière beaucoup plus facilement sans les tronquer. Du coup, le décor est beaucoup plus tangible. Je pense qu'on va pas trop en dire non plus. Non, justement, on peut pas trop en dire, mais... Bah, vu que c'est une histoire qui repose intégralement sur son intrigue, vraiment, et sur le développement de son personnage principal. Enfin, cette quête de tuer une personne par mois, ça va entraîner forcément des conséquences, aussi bien pour lui que... Et si, il y a aussi qu'on peut évoquer, à la limite, parce que le personnage évoque très souvent le passé de son père, et il y a des petits passages où on comprend que son père aurait peut-être vécu une expérience similaire. Oui. Mais voilà, on va pas trop en dire non plus. Oui. Mais il semblerait que cette histoire de démon qui passerait des paris avec Dylan, ça serait peut-être de famille, finalement. Ça serait peut-être pas un truc qui lui serait arrivé qu'à lui, ce brave petit gars. Une lecture qu'on recommande, du coup, Alex et moi. Oui. Clairement, peut-être moi, l'une de mes lectures du mois. Ouais, pareil, de toute façon, il y a eu beaucoup de bonnes lectures, comme a dit Sam tout à l'heure, donc clairement, ce mois-ci, ça en fait partie. Ouais. Comparé au dernier épisode, là, je pense qu'on est plus serein pour aborder ce casse sur table. On sent que c'est le début d'année, en tout cas. qu'on l'était à l'épisode précédent. Il est temps de passer au quatrième... Au quatrième titre de cette sélection, un titre qui va être abordé uniquement par Issam et Necro, puisque ce sont les deux seuls à l'avoir lu. Bloody Secret, édité par Soleil Manga, écrit et dessiné par Mutsumi Yoshida. Alors, Bloody Secret, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anko, et qui est un peu fascinée par son voisin de classe, Yura, un peu bizarre, silencieux, qui traîne jamais avec les autres, toujours en retrait. Et elle commence à se dire que peut-être que c'est un vampire, elle commence à délirer autour de ça. Sauf qu'elle finit par se rendre compte que c'est effectivement un vampire, mais seulement à 10%. Donc il arrive à contrôler ses désirs de sang, ça va, il en a pas besoin pour survivre, et la plupart du temps il arrive à contenir ses pulsions. Sauf qu'il trouve que... il est particulièrement attiré par son sang à elle. Son sang a une particulièrement bonne odeur. Est-ce qu'il brille au soleil? Ouais, parce que c'est le seul truc qui manque, là, depuis tout à l'heure. Non, c'est... Je ne crois pas, non, c'est... Non, parce Non, Edouard, il est vampire à 100%. Edouard est vampire à 100%. Oh putain, merde! On est tombé sur des spécialistes de toilettes. J'ai jamais compris les 100%. Il est attiré par l'odeur de Bella spécialement. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, est-ce que Alex et moi pourraient avoir le baromètre du pourcentage de vampirisme? Ouais, j'ai pas compris. Voilà, pour l'instant, on est à 70%. Merde. C'est quoi vos histoires de 10%? C'est 100%. C'est pas de ma faute si c'est précisé qu'il est vampire à 10%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un tout petit peu vampire, mais qu'il est complètement humain Je sais pas, faut croire qu'il avait un arrière-grand-père vampire. Oui, voilà, c'est ça. Il tient ça de son arrière-grand-père. Vampire à 10%, ça fait une famille bizarre. Certainement, les chromosomes vont se croiser, parce que je crois que si jamais tu remontes l'arbre familial, c'est pas possible d'arriver à 10%. Je pense qu'à un moment, il y a une relation incestueuse. Pour un Il y a un petit 2% qui est arrivé comme ça, et on savait pas comment. Mais bon, ça, c'est les histoires de famille. Et du coup, Macron, il l'a combien de pourcents? Oh. Oh, Macron, il est à 100% aussi. Un vampire de la finance. Bon, après, c'est un manga, quoi. Bon, quoi, Macron plus, Macron est un manga. Ah, si seulement. Non, Mélenchon, oui, mais pas Macron. Oh, ça va bien venir un jour. Donc, reprends, mon cher Issam. Donc, voilà, ça nous raconte l'histoire, on va dire, plus ou moins d'amour entre les deux, sachant que elle est à la fois attirée et effrayée par lui, et que lui, il a l'air... plus affamé que réellement amoureux face à elle. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Clairement, je suis pas le public cible, mais ça vise... c'est un shoujo pour pré-ado, quoi, et ça marche bien. Dans ce style-là, ça marche bien, je trouve. Alors, et là, c'est là que j'ai un avis complètement contraire, c'est-à-dire qu'en fait, on est deux à l'avoir lu, là, et moi, j'ai l'impression d'être tombé sur une sorte de sous-Twilight vide. Mais plus vide que Twilight. C'est en mode, on ne présente même pas la famille des Cullen et tout, rien que dalle. T'as juste l'intrigue amoureuse et éventuellement un bout de background sur les vampires et à un moment, un autre qui arrive dans la foulée. Et non, là je me suis fait chier puissance 1000 et je suis pas rentré une seule fois dedans. C'est mignon, mais dans ce cas-là, je veux dire, il y a peu de temps, je me suis lu minuscule. Et je me dis que même pour les tout jeunes, on peut faire des trucs qui sont vachement denses et cool sans que ce soit de la parlotte spécialement. Juste même en esthétique, il y a moyen de faire quelque chose de cool. En background, il y a moyen de faire des choses de cool sans que ce soit prise de tête. Et là, j'ai juste l'impression que mon crâne se vidait. Ouais, je sais pas. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a pas de message particulier, que ça va pas particulièrement loin, mais je trouve pas que ce soit un défaut. C'est juste une lecture purement détente pour moi. Ah oui, oui. Après, oui. Pour le coup, toute œuvre, il en faut. Il en faut un message. Mais je veux dire, moi, je parle comme je l'ai lu personnellement, et je pense que le fait que j'ai connu des nanas qui étaient fans de Twilight et que je ne supportais pas et que j'ai dû me taper leur séance de merde fait que c'est entré en jeu. Twilight, je les ai lus, je les ai vus, c'est infiniment mieux ça. Bah, j'ai quand même considéré comme un sous-Twilight. Il les a lus, il les a vus. C'est ce que je vais retenir de la journée. Ça m'étonne. Twilight, c'est largement moins bon que ça. Ça, au moins, ça se prend pas au sérieux. Il y a un très bon moment dans Twilight. Twilight, elle est persuadée de faire un chef-d'œuvre. Ouais, il y a un très bon moment dans Twilight, c'est quand en fait la conne de Bella se pète. C'est un vrai débat. Sur Twilight, c'est ça aussi. C'était un vrai débat. C'était mon petit kiff. J'ai ah, elle souffre. Meurs. Mais voilà. Non, et puis il n'y a pas le message... Enfin, je veux dire, je préfère un truc qui n'a pas de message à un truc qui a un message aussi dégueulasse que celui de Twilight, justement. Alors, il y a toujours un message. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit l'œuvre, il y a toujours un message. On se comprend, mais je préfère... Et là, le message transcende les fous. Le message, il était trop mièvre pour moi. J'ai pas... Je suis... Non, je fuck it. Ouais, c'est... Enfin, c'est mièvre comme un shoujo lambda, quoi. On a vu des shoujo qui étaient nettement meilleurs. Hein. Oui, on est d'accord, mais c'est... Bah voilà, Serge, je le porte pas dans mon cœur, celui-là. La romance pour gamine, lambda... Ah, je vois pas le souci. Comment il parle? Ah, c'est la vie d'un encore une fois, hein, je préfère un message aussi mièvre que ça, au message d'un Twilight, où c'est « on couche pas avant le mariage ». Ah oui, non, mais là, c'est du... Tant pis si votre homme vous tape dessus. Ah bon? Regarde. Ah, c'est ça, Twilight? Je savais pas. Bah si, elle a des bleus quand ils ont couché ensemble. Ah merde, c'est surtout chez les loups-garous. Ah oui, chez les loups-garous. Mais c'est pas son copain. C'est... Bah non, mais ils s'y connaissent, merde. Alors quand je dis j'ai dû me les taper, j'ai dû me les taper. Hein. Rien ne t'oblige d'aller au cinéma. Ah non, c'était l'écran de la télé de l'appartement. C'est, tu peux même pas y échapper, tu peux même pas dire va au cinéma, moi je m'en fous, je reste là. Puis Twilight, un des éléments de résolution, c'est quand même une relation pédophile. Je tiens à le rappeler aussi, ça. Alors non, elle est majeure. Par contre, il a plus de 200 ans. Non, elle est pas majeure. Elle est pas du tout le loup-garou qui tombe amoureux de la gamine qui vient de naître. Je suis désolé, elle est pas majeure. Ouais, non, mais elle est en CGI. C'est pour ça. Oh putain. Bon, le prochain garde éclate, hein, tu sais ce qu'on va faire. Ah merde. Bah, bref, voilà. C'est en fait, moi, j'ai un avis extrêmement mitigé dessus parce que je me dis qu'il y a autre chose à offrir aux gens. Enfin, non, mais il y a après, mieux. Après, il y a. Il y a mieux, mais c'est pas mauvais. Voilà. Ah, mais je considère pas ça comme mauvais. Je considère ça comme franchement vide. C'est un bel écrin, mais un peu vide pour moi. Ouais, je sais pas. Je trouve pas que ce soit un défaut dans le contexte. C'est juste... Je trouve ça moins vide que Wonderland, quand même. Ah non, mais Wonderland, c'est parce que t'as du copier-coller. Wonderland, t'as la première séquence, et après copier-coller, ouais. On sent juste un petit peu les dangers. C'est terrible. Puis ce sera qu'en automne, donc voilà. Ouais. Là, par contre, effectivement... J'irai pas jusqu'à le recommander, parce que ce mois-ci, on a bien mieux. Mais voilà, je... Bah, excepté au public cible. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le public cible, ça fait complètement le taf. Alors, on vise jeune fille pré-ado. Ouais. Voilà. Jeune fille pré-ado. Voilà, comme ça... On est... Jeune fille en fleurs. Mais pourquoi ça plairait pas à des garçons? Oui, bah, garçon pré-ado, déjà, faut déjà une ouverture d'esprit des parents, on va dire. On va dire que oui, le public cible, c'est plutôt pré-ado en général. Parce que quand t'as ces âges-là, c'est pas forcément toi qui choisis ce que tu lis. Hein. C'est on t'offre, au début, on t'offre un peu, tu vois. Ah oui, d'accord, par rapport à ça, ouais. D'ailleurs, t'as pas ton propre argent vraiment. T'as un peu d'argent de poche, mais tu fais pas non plus des folies avec. Donc, ne faites pas de folie avec votre argent de poche, allez le dépenser au 44 rue du Jard, au Gras des Bulles. Ah. J'ai même plus besoin de le faire moi-même. Messieurs, vous avez fini avec Bloody Secret? Ouais. Bon, c'est vraiment plus chaud, je suis d'accord, le dessin est pas moche. Non, ça a l'air bien. Encore une fois, alors, le dessin est académique, mais il est bien. Donc sur Kill or Be Killed, c'était pas bien? C'est académique aussi, mais c'est bien aussi. Oui, mais ça t'a pas donné envie de le lire, du coup. Parce que c'était pas bien. Ça se lisait vite. Oh, quand même, ça va. Oui, ça va, mais je veux dire, ça se lit plus vite qu'on ne le pense. Quoi. Oui, plus vite qu'on ne le pense, mais au moins, il y a de la lecture quoi dans Killer Be Killed. Oui. C'est quand même un bon point. Parce qu'il y en a marre aussi des BD ou des mangas qui se lisent en trois coups de cuir à peau, parce que t'as rien à lire. Quoi. Ouais. Mais tu viendras après, ça. Je montrerai... Bah, on en parle, du coup. Mais oui, on en parlera, t'en parleras plus tard. Ok, parce qu'en fait, là, j'ai une œuvre dont je vais parler après, qui est à peu près la même chose, sauf en beaucoup plus terre-à-terre et violent. Et c'est pas pour le même public. Du coup, en fait, peut-être que le fait que je me sois tapé ça avant l'autre truc, j'ai eu l'impression d'avoir juste. Vous voulez vous battre, peut-être? On coupe le podcast. Fight! Battez-vous, hein. Bah alors, Issam. Sur Centaure, on est chaud là. Non, vous allez faire une pause avant de vous retrouver sur Centaure. De toute façon, Alex et moi, on va en parler très vite. On va aborder un manga édité par Ototo, Grimoire of Zero, dessiné par Takashi Iwasaki et d'après les romans de Kakeru Kabashiri. Ouais, je peux essayer de te faire un résumé. Voilà, parce que moi, ça va être assez expéditif. Hein. Moi, le premier tome était pas nul, mais ne m'a clairement pas donné envie d'aller voir la suite. J'ai trouvé ça beaucoup trop blablateux, si je peux inventer des mots. Bavard. J'ai le droit. Bavard. Est-ce que j'ai le droit d'inventer des mots? Bavard. Blablateux. Bavard. Le dessin est propre, mais un petit peu vide. Mais voilà, c'est surtout Alex qui a bien aimé sa lecture, donc maintenant, je lui donne la parole. Alex. Oui, alors je vais faire un petit résumé rapide. Non, t'as pas besoin, on s'en fout. Donc, en fait, on est dans un monde rempli de sorcières et de personnes qui sont soumises à une malédiction qui les transforme en animaux. Et plusieurs sorcières... Mi-hommes, mi-animaux. Ouais, mi-hommes, mi-animaux, voilà. Déjà, ouais, pour mettre juste une petite parenthèse, sur le terme sorcière, ça, on parle notamment des femmes, mais aussi des hommes. Ouais. Oui, une petite parenthèse, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi. Pourquoi, oui. Bref, voilà. Mais dans ce monde-là, sorcière, ça. Ça comprend c'est... tout le monde, quoi. Y a pas de sorcier en fait. Sorcière, c'est autant homme que femme. Les sorciers, et... c'est autre chose encore. Et donc, les personnes mi-hommes, mi-bêtes sont chassées par les sorcières parce qu'ils représentent des talismans magiques super puissants, etc. Ouais, c'est ça. On les décapite et on obtient des trucs en plus, quoi. Et donc. Du loot C'est ça. On tombe sur une de ces personnes mi-homme mi-bête, c'est un chasseur de primes, si on comprend. Ouais, c'est ça. Qui rencontre un jour une sorcière assez spéciale qui s'appelle Zéro et qui est la créatrice suprême du grimoire, d'un grimoire surpuissant, ouais, qui pourrait détruire le monde entier. Le grimoire de Zéro, il porte son nom. Sauf que elle l'a perdu. Mince alors. Ah oui, donc il va falloir le retrouver. Donc il va falloir le retrouver. Et donc l'histoire commence comme ça, avec ces deux personnages qui sont en quête de retrouver, voilà, ce grimoire. Alors on peut aussi indiquer que si le bestial la suit, c'est parce qu'elle lui promet de le retransformer en être humain, oui, une fois qu'ils auront retrouvé son grimoire. Donc, c'est en deux tomes seulement ? Non, c'est en plusieurs, y a pas de... c'est pas encore terminé. Non, c'est toujours en cours. Je crois qu'ils en sont à 5 tomes, ça. Donc j'imagine que c'est inspiré d'un graphic novel, si c'est du Ototo, là. C'est ça, c'est du roman à la base. Œuvre originale de Kakeru Kobashiri. C'est ça, c'est ce que j'ai dit avant qu'on commence. Mmh. Alors, est-ce que ça... Je peux le répéter ? Non. Est-ce que classement shonen est correct sur Oui, pour le coup, oui. Il n'y a pas de boobs. Non. On reprendra le débat là. Si, à un moment, il y a des boobs. No. Mais il n'y a pas vraiment de fanservice. Mais il n'y a pas du, coup, ouais, y a pas du tout de fanservice. Il y a des petites blagues un peu vaseuses, des fois, on se dit, oula. Et puis en fait, non, ça. C'est ça. Donc oui, moi j'ai bien aimé, c'est tout mignon, c'est mon petit plaisir coupable du mois, on va dire. Toi, t'as lu les deux tomes, il me semble. Oui, j'ai lu les deux tomes. Parce qu'ils ont sorti les deux premiers tomes en même temps. Mm-hmm. C'est correct, j'ai pas trouvé ça très bavard, ça m'a bien plu. Et donc la conclusion du tome 2 t'a donné envie d'en savoir plus? Oui, parce qu'on sort un peu du côté mignon du personnage principal qui fait tout le temps des petites blagues et des câlins à la personne mi-homme mi-bête. Là, au nounours. Au gros nounours. L'homme nounours. Et on rentre dans une trame un peu plus sérieuse, un peu plus violente. Ça, donc, ouais, ça bouge un peu plus dans le tome 2, parce que c'est principalement ce que je reproche, quoi, sur le tome 1. Mm. C'est le manque... c'est même pas tant le manque d'action au sens propre, c'est que vraiment dans le tome 1, il y a plein de passages où ils sont assis autour d'un feu et ils ne bougent pas pendant tout le chapitre. En tout le chapitre, c'est, ils restent autour de leur putain de feu et ils discutent. Moi, ça m'a pas dérangé, je trouve ça... Justement, je trouve que c'est une force. Ça m'a bien reposé, tu vois, j'ai lu une petite lecture détente, quoi. Parce que t'as lu ça après notre septième ouvrage, c'est pour ça. Ah, presque, hein, presque. À quelques jours près, presque. T'as étendu. Mais le dessin, par contre, est vraiment est très sympa. Oui. Et pareil, le chara-design, une fois de plus réussi, l'homme ours, c'est plutôt une bonne bouille. Et d'ailleurs, lui-même est plutôt assez attachant comme personnage. Donc, si vous voulez suivre une petite épopée fantastique, un peu magique, moi, je le recommande. Comme quoi, oui, je ne reproche pas tout, hein, à cet ouvrage. C'est vraiment que le rythme qui m'a un petit peu fatigué, en fait. Donc voilà, Une lecture que je ne recommande pas plus que ça, sauf peut-être aux gros amoureux de fantasy. Mm. Et pour une fois qu'un éditeur ne nous sort pas là, que c'est une révolution de la dark fantasy, comme c'est courant aujourd'hui. Ah, ils appellent tout et n'importe quoi dark fantasy maintenant. c'est ça. Bon, ben on va rester dans la fantasy et on va retourner dans un débat animé à base de ta gueule, j'ai tort, t'as raison, on s'en fout, enculé. Animé dans la gueule. Cette fois-ci, normalement, on devrait pas citer Twilight. Donc rien que ça va élever le débat. Animé par Issam et Necro. Et on va rester également dans la fantasy. Ah, pendant que je fais tomber ma cigarette électronique, ne fumez pas. Centaure, édité par Glénat, écrit et dessiné par Ryo. Sumiyoshi. Lequel de vous deux veut s'occuper du résumé? Hop, Necro. Alors, Centaure, c'est l'histoire d'un centaure guerrier qui se retrouve pourchassé lors d'une battue par des humains qui, en fait, les humains font une guerre contre les centaures et les récupèrent, les capturent, et pour les soumettre en esclavage. Et il y a un centaure guerrier qui est assez puissant, qui ont un peu de difficulté à récupérer, et ils se font aider par un autre centaure pour l'attraper. Et alors ça se passe dans un Japon médiéval, et on a un moment, plot twist, le centaure qui a aidé les humains à l'attraper, bah en fait veut se barrer depuis un petit moment. Et propose au héros, bah écoute, moi je t'aide à te barrer, et puis toi je te suis, quoi. Sachant que le centaure qui travaille pour les humains ne connaît pas le monde extérieur. Ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est vivre en forêt et tout ça. Et on lui a amputé les bras, de façon à ce qu'il soit plus docile. C'est ballot. Le pauvre. Pas de bras. Et pas si... rien. Et pas si rien. Bon, bah, le premier tome se concentre surtout sur la capture, la rencontre et la fuite, pour retourner après voir les autres centaures. Sachant qu'il y a une autre centaure aussi qui est mise en avant, c'est une qui, elle, a ses bras parce qu'elle est parfaitement docile de base et qu'elle en a besoin pour tirer à l'arc. Et qu'elle, ça a l'air d'être vraiment l'antagoniste principal. Ben moi, j'ai apprécié. Après, moi, j'ai accroché à l'histoire. Après, je comprends qu'on n'accroche pas dessus. Les personnages m'ont un peu touché, en quelque sorte. Ben, moi, le souci, c'est qu'au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très banal, en fait. Ça a rien d'original. Et ça m'aurait pas forcément déplu, mais en fait j'ai un gros problème avec ce truc, c'est que j'ai trouvé ça, je sais pas si c'est parce que c'est mal écrit ou si c'est parce que ça parle vraiment beaucoup, mais au bout de 20 pages, j'en pouvais plus les dialogues, je les trouvais mais vraiment insupportables. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai tenu la moitié du tome et après honnêtement, je sautais la moitié des cases pour ce parce qu'on n'avait rien à foutre, et on comprenait quand même l'intrigue sans ça, de toute façon, ils ne servent à rien, ces dialogues. Ils ne sont jamais drôles, ils ne sont jamais informatifs, parce que l'univers est super simple, donc il n'y a rien à nous apprendre. Ils sont juste casse-couilles. Et en fait, les rares scènes qui auraient pu être efficaces, je trouve qu'elles sont ruinées par la présence de dialogues. Il y a des moments, il aurait juste fallu que tout le monde se taise, et que ça repose sur le graphisme. Bah, ce qui arrive à quelques rares moments, ça, le fait que t'aies vraiment peu de cases qui viennent impacter. C'est rare. Hein. Mais sinon, ce que je trouvais sympa, c'est le fait que le centaure de la ville, on va l'appeler, ne connaisse rien de l'extérieur. Mais à ce point-là, c'est-à-dire d'un seul coup, il tombe sur grand frère, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant, mais... Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que le récit, c'est pas sur quoi se concentrer entre la découverte de la vie par le nouveau centaure et la volonté de l'autre de retrouver son fils. J'ai l'impression qu'il jongle entre les deux et qu'il sait pas trop qui est son héros, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un héros, en fait? C'est ça qui est balèze. Bah, le truc, c'est qu'il gère pas très bien le fait qu'il y en ait deux, du coup. Mmh. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours le cul entre deux chaises. Par contre, à côté de ça, j'ai mis quand même un petit moment à comprendre que le deuxième personnage, était masculin. C'est-à-dire qu'en fait, très androgyne. Oui. Très androgyne, ce qui fait qu'à un moment, il a fallu que je tombe sur ce plan-là pour me dire « Ah, mais il n'y a pas de sein sur le personnage !» Bon, ok, c'est un mec. Mais sinon, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve aussi, ça c'est un truc que j'avais trouvé intéressant, t'as deux types de virilité qui se confrontent. Parce que la virilité au Japon, c'est pas représenté pareil. Donc on a le guerrier fort, qui est à peu près proche de tout ce que nous on a comme virilité, et le personnage androgyne, qui est plus la beauté. La beauté telle qu'elle est représentée au Japon. Et donc, oui, il y a ces deux types de virilité qui se confrontent. Mais c'est tout, c'est pas... Bah, et puis, alors, ça vient peut-être de moi, mais dans les scènes d'action... Enfin, les scènes d'action, je les trouve super difficiles à lire, en fait. Ça vient surtout de toi, ouais. À chaque fois, je devais rester plusieurs minutes sur chaque planche pour comprendre ce qui se passait. Je suis d'accord avec lui. Et c'est lourd, à force. Je l'ai un peu feuilleté. Ah oui. Et... il live comme un troll. Non. Je l'ai un petit peu feuilleté, mais je suis d'accord avec lui. Il y a certaines scènes, la première notamment, je m'en souviens, j'ai pas tout compris de suite. Ah oui, l'ouverture. Qu'est-ce qui se passait entre les trois protagonistes là? Alors que moi, je voyais ça comme des sortes de micro-ellipses. Enfin, je lisais ça comme des micro-ellipses. Oui, par exemple, cette scène-là, cette page-là. Moi, je pensais plus celle quand il se fait capturer au début. Ah, il y en a plusieurs, hein, comme ça. Ouais, voilà, mais enfin, il y en a plusieurs. Du manga. Après, moi, je trouve ça vraiment beau, hein. Moi, pour l'avoir souhaité. Sinon, c'est beau, ouais. Mais, ouais, vraiment pas du tout recommandé, celui-là. Ça fait partie des titres qui m'intéressent, ouais. On peut dire que l'édition est jolie. Oui, par contre, oui. Un vrai travail sur la cover. Même le grain de la couverture est sympa. Il y a eu un vrai travail de fait. Voilà. Et il y a aussi des pages couleurs au début. Ce qui est notable. Puis j'ai jamais lu de manga sur les centaures ou quoi que ce soit, donc je trouve ça fun qu'on ait un... Est-ce qu'il y a que des centaures dans ce monde-là? Non, pas centaures, humains. Pour l'instant, on a que centaures et humains. Centaures et humains, pour l'instant. Ouais, mais on nous dit pas qu'il y a que ça, quoi. Non. Voilà, c'est pas dit clairement. On nous dit pas qu'il y a autre chose. Non. Oui, voilà, c'est aussi ça, oui. J'ai pas lu le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a les deux qui étaient sortis. Donc non, pas en même temps. Non, mais le deuxième vient juste de sortir. Le deux vient de sortir, ouais. Ouais, d'accord. Ils sont pas sortis en même temps, c'est juste, par contre, ils en ont sorti vraiment un en janvier et un en février. C'est vraiment pouf pouf. Ouais, c'est bien. Pif paf pouf. Eh bien, c'était un débat beaucoup moins animé qu'est-ce que je ne m'attendais. Je suis légèrement déçu, messieurs, vous êtes virés. Il avait sorti de popcorn. On verra bien comment c'est. Avec Alex, on s'était préparé à côté du radiateur. On se disait, ouais, vas-y, on va se réchauffer un petit peu là. Parce qu'après, ils vont envoyer du lourd là. Et le sang va gicler, voilà. Il faut se mettre à l'écart. Ah, mais t'inquiète, après, il y a un moment où on est tous d'accord, mais il va y avoir quand même du sang et des larmes. Ah, mais c'est notre prochain titre. Vous voulez qu'on y arrive tout de suite? Vous avez terminé avec Centaure, messieurs? Ah, si ça se trouve, on ferait peut-être bien de s'attarder un peu sur Centaure, du coup. Ok. Alors, non, qu'as-tu pensé du design des personnages? Messieurs! Il est grand temps d'aborder notre numéro 7. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé comme dans le dernier podcast où on annonçait Monster Musume en je ne sais plus quelle position. En fait, c'était pas 6e, du tout la bonne position. 6e alors qu'il était en 7e. Et ben voilà, du coup, celui-là est vraiment en 7e. Et voilà. Pardon, j'ai ouvert une page au pif. Alors, ne commence pas à critiquer. C'est un manga qui prend des bonnes critiques sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. Attention. Et alors. On va encore se faire taper sur les doigts. Bon. Alors. Infection, édité par Delcourt Tonkam, renommée écrit d'éjection. Et dessiné par Toru. Alors Oikawa. D'accord. Et non, nous ne le remercions pas. Il aurait pu s'abstenir. Alors, on va partir ceci sur les qualités. Hein. Attends, qui veut faire le résumé déjà? Qui se sacrifie? Ah bah c'est simple, infection et culotte. Voilà. Voilà, infection culotte. Donc. Non, infection, vers dégueulasse qui sortent des orifices et culotte. Voilà. Le résumé est pas compliqué. Du zombie avec des vers, voilà. Voilà. Et culotte. Et culotte. Et proposition de fellation à un moment. Et décolleté, et puis petite fille, blague vaseuse. Et nullité. Ouais. Donc on va partir sur les qualités. La couverture a l'air d'être d'une assez bonne qualité. Elle est toute brillante et elle est couverte. Il y a eu un travail sur la jaquette. Il y a eu un travail sur la jaquette. Voilà. Il y a une jaquette. L'ancrage est correct, le papier est relativement correct. Il y a du papier, on aurait préféré pas en avoir, mais il y a du papier. Bah, et voilà. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et c'est assez bien dessiné. Hein. Oui, par contre, c'est vrai. Voilà, ça c'est une très bonne qualité. Bon, maintenant on parle du reste. Ah bah, il n'y a rien, c'est vide. C'est... Il y a non, du fanservice. Ah non, mais c'est pas vide, regarde, il y a des trucs. Voilà, il y a du fanservice à outrance, du fanservice qui ne sert à rien, qui n'apporte rien en au récit. Ça aurait pu être un récit d'infection ultra banal, mais pas désagréable. Le voilà. Souci, c'est. Voilà. En fait, la protagoniste. Voilà, non, mais faut être clair. La protagoniste féminine, dès sa première apparition, dès la première page de son apparition, elle déchire, je sais plus comment, sa jupe, et donc elle se retrouve en culotte. Non, c'est parce qu'elle veut faire pipi dans une canette. Pendant tout le temps, ouais. Donc elle soulève sa jupe et on voit bien son. Ouais, mais après, elle la déchire et elle la plie pendant tout le tome. Elle se la fait enlever. Ah oui, non, après, voilà. Elle se la fait arracher. Là, parce qu'elle est, elle est à walper pendant tout le tome. Mais il a pas lu jusque-là, lui. Je mets la page. Ah oui, moi, j'ai pas tout lu. Hein, donc, ici. Bah, c'est après, elle se la déchire et fait, elle est nue pendant... Parce que oui, soyons clairs. C'est là, il te dit. Soyons clairs, attendez. Mettons les choses au point. Alexandre a arrêté de lire après 20 pages environ. Non, moi j'ai lu un petit peu le début. Bon, je me suis dit le milieu, ça sert à rien. Je vais lire au moins la fin pour voir si ça donne envie. Voilà. Ça m'a pas donné envie. Moi, je me suis arrêté à partir du moment où il commence à sexualiser une enfant de 12 ans. Ouais, ah oui, j'ai t'es lu... quand même arrivé aux trois quarts, toi. Voilà. Je suis arrivé à peu près par là pour la fin. Et ouais, a arrêté de lire à quel moment? Bah ouais, c'est quand justement elle a vu l'enfant en question au début et qu'elle n'était pas encore tout à fait sexualisée, où je me suis dit non, ça pue. Voilà. Là, ouais. Ça pue. Là, ouais. Je sens venir et j'ai pas envie. Et quant à Issam, eh ben, il a tout lu parce que c'est un courageux. Non, et parce qu'en vrai, ça lui a plu. Et parce qu'il attend une augmentation. Mais en vrai, il a kiffé. C'est bien le passage que tu cherchais, que j'ai retrouvé. Non, je cherchais ça. C'est, voilà, il y a une couverture de chapitre. C'est les deux personnages féminins, donc une lycéenne qui monte son cul et une gamine de 10 ans qui monte son cul. Qui monte limite son sexe. Et c'est ça, quoi. Et c'est pas ça la vanne. C'est la blague, c'est qu'ils ont échangé leur truc. Ouais, non mais je m'en fous de ça. T'as pas compris la blague. T'as pas compris la blague. Oui, voilà, c'est ça le souci, c'est le message final. Mais je te parlais du moment où elle perd son fut, moi. Oui, non mais ça, oui, c'est bon. Non mais voilà. En fait, ça aurait été juste ultra beau s'il y avait eu que la lycéenne de sexualiser, mais ça devient carrément dérangeant à partir du moment où il y a aussi une gamine de 10 ans, même pas, qui ça arrive. Et sinon, on part quand même sur le personnage principal, la nana principale, qui... nous est présentée comme une nana qui veut tailler une pipe à un mec dans un hangar d'école. Hein. On est d'accord. Je me rappelais plus de la pipe. Ça en parle. Moi, je l'avais plutôt vers la fin, justement, quand ils ont réussi à échapper à tout le monde. Je crois que ça en parle au début. C'est-à-dire qu'en fait, il doit se faire enfermer avec une nana normalement qu'il apprécie. Et sauf qu'en fait, non, il s'est fait avoir, c'est une autre qui est là. Mmh. Ouais. Mais elle veut pas lui tailler une pipe. Non, c'est à la fin, je crois. Je crois que ça parlait de faire une gâterie avant. Avant ou mais pas à lui. Une canette. Avant. En fait, c'est pendant. Tout le build-up de cette scène, ça part sur le fait qu'il va se faire tailler une pipe par la fille qu'il apprécie, tu vois, en gros. Ah oui, ça oui. Mais c'est pas celle qui est en culotte qui. Non, c'est l'autre. Oui, c'est celle qui est infectée, en fait. Celle qui est en couverture. Voilà. Bon, et du coup, je voulais faire la petite remarque suivante, c'est que voilà, ça fait 10 minutes qu'on en parle, on a parlé de toutes les choses dérangeantes, etc., mais on n'a jamais parlé du sujet principal, normalement, du manga, c'est-à-dire l'infection... Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas le sujet principal. Le papier est de bonne qualité. C'est pour montrer à quel point ce manga, en fait, est pourri, c'est que ça n'a ni queue ni tête, c'est que du fanservice... C'est ça. Mauvais. Caché derrière une histoire de mort vivant. Un bon point par rapport à Monster Musume, il y a des zombies. Non. Non, parce que dans Monster Musume, au bout d'un moment, il y a des zombies aussi. Ah là, j'ai pas lu le tome 2. Et là, t'es perturbé. Là, j'ai pas lu le tome 2. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une monster zombie. Voilà. Dans Monster Musume. Ah ouais, non, mais là, je te parle d'une invasion zombie. Il faut agrandir le harem. Et là, je vous ai vendu du rêve. Non, par contre, il y a un truc que je pige pas, c'est comment les pupilles font pour tenir en place tout ça. Oui, c'est bizarre. T'es bouffé. Ça, c'est bizarre. J'ai pas compris. La meuf a des verres, enfin les personnages ont des verres dans les yeux, mais ils ont quand même leurs pupilles, c'est très étrange. Alors esthétiquement, enfin je veux dire, ça le fait, hein, c'est très dérangeant, mais... Dans un véritable récit horrifique, vraiment réussi, c'est très flippant. Une infection avec des verres qui se développent en toi et, voilà. Et qui te sortent de la bouche et des yeux. Mm-hmm. Tu vois, dans un vrai récit horrifique réussi, ça pourrait rendre bien. Sauf que là, bah non, c'est mal fait. Bah, disons qu'en fait, t'as un plan culotte lingerie qui arrive très... voilà. Je prends page au pif, allez. Ah, là, il y a la... Ah, si, un peu, il y a un cul qui dépasse, là. Surtout que je trouve... Il y a un cul. Non, puis même, il y a quand même... Il y a un passage où il y a... Où j'ai pris que des pages au pif depuis tout à l'heure. J'arrive sur du fait. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. J'allais dire, il y a quand même un moment, l'argument pour la laisser en culotte, c'est... Ah bah non, je vais pas mettre un pantalon, il est pas raccord avec mon sweat. Ouais, c'est pas à la mode. Mais oh. Ah oui, non, il y a aucune justification. Voilà, l'argument d'être en culotte, c'est ça, quoi. Alors, en fait, j'ai calculé, là, 2/3 du temps où j'ai fait mon truc de prendre des pages random pour voir ce qu'il y avait, il y a des plans gratos. Bah oui, mais tout le temps. 2 pages sur 2. Bah oui, mais c'est parce que c'est nul. Et puis il y a quand même toute une scène où elle redonne la joie de vivre à des gamins de primaire en leur montrant son cul. Voilà. On parle de cette scène. Ah oui, à la fin. Bah moi, je ne l'ai pas lu, ce passage-là, j'ai arrêté avant. Mais c'est à la toute fin, ça. Quand ils sont en train de s'endormir. Parce qu'à ce moment-là, la gamine de 12 ans est déjà sexualisée, donc je ne l'avais pas lu, pas après. T'as loupé un truc. Je crois qu'il y a un petit passage. Bah non, j'ai rien loupé juste avant. Il y a un petit passage comme ça avec sa petite sœur qui lui dit d'aller sauter la fille parce qu'elle est sympa. Ah oui, oui. Tiens, je te le passe. Non, j'en veux pas. Oui, elle lui dit. Non, mais j'en veux pas. Tiens, il va te montrer. Non. Je me souviens du passage où la gamine de 12 ans écarte les fesses de la lycéenne aussi. Ouais. Bah voilà, c'est de la merde. C'est ça. C'est malsain. C'est très malsain. Mais bon, après, peut-être que nous sommes trop premier degré et trop Sainte-Nitouche, hein, peut-être. Bah, ça plaira au public visé, comme on aime bien dire. Alors, on est d'accord que le Lolicon, c'est toujours interdit en France. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on est à... Tiens, voilà. Magnifique. Non, on est complètement dedans. On est à un string du Lolicon. Non, hein, on cherche pas, on est dedans déjà. Ouais, on est même en plein dedans. On est vraiment dedans. Est-ce qu'il y a un avertissement? Oui, il y a un truc derrière. Ouais, pour lecteurs avertis. Ah ouais, bah putain, ils sont pas assez avertis. Hein. Ouais, qu'il faudrait mieux nous avertir de ce qu'on a subi. Ah bah moi, je vais les avertir, bah, tu vas voir. Enfin voilà, moi j'ai une pointe de gerbe à chaque fois que je... Je feuillais ce truc. Oui, bah, fais attention, j'ai refait le carrelage. Hein, donc, Non, c'est pas vrai. Salaud, t'aurais pu jouer le jeu. En plus, t'as pas de seul coco. Ah putain, il est encore tout dégueulassé le canapé, là. Bon, Issam, t'as fini de... Hein? Non, je suis en train de... non, mais de moi, je... quand même à quel point la contre-plongée, c'est utile dans certains cas. Je suis sûr qu'il l'a aimé dans le fond, Issam, parce que s'il a lu en entier, c'est que quelque part... C'est parce qu'il aime le travail accompli. Il y a quelque chose qu'il a aimé. Il était passionné par l'exemple de... j'ai lu deux tomes de Gambling School hein, aussi. Et qu'il a lu les deux tomes de Monster Musume. À choisir, je préfère quand même lire Gambling School. Un et demi, moi aussi, à choisir, ouais. J'ai fait un et demi en tout. Bon. Après, Monster Musume ou ça, je sais pas trop. Est-ce qu'il serait pas temps de foutre ça aux chiottes et de passer à autre chose? Bah justement, il y a beaucoup de trucs qu'on dit Monster Musume qu'on pourrait reprendre ici. Ah oui, oui. De quoi? Je disais, il y a beaucoup de trucs qu'on disait de Monster Musume qu'on pourrait reprendre quasiment à l'identique ici. C'est pour ça, ça sert à rien de s'étaler. À peu près le même. Mais à choisir entre les deux... Putain, j'arriverais pas à choisir entre les deux. Je pense que ça me dérangerait peut-être moins de lire Infection, quand même. On me dirait, tu dois mettre un des deux dans ta bibliothèque, effectivement, je mettrais plus celui-là, parce que limite, ça fait plus discret. Mm. Mais sinon... Ouais. Je sais pas. Mm. Celui-là m'a vraiment mis... En fait, j'ai trouvé Monster Musume révoltant, mais celui-là m'a vraiment mis mal à l'aise. Mm-hmm. Du coup, je... Entre les deux, mon cœur balance. Bon, est-ce qu'on a fini de parler d'infection? Ouais. On n'aurait pas dû commencer, mais bon. Cette part de chocolat est très très bonne. Maintenant, on va parler de la suite gonorrhée. Alors... Non, on va retourner au comics. Pour un titre que nous avons tous lu. C'est Royal City, édité par Urban Comics, écrit et dessiné par Jeff Lemire. Et c'est très très bien. Apparemment, oui. Necro veut nous dire quelque chose. Non, on me l'a foutu devant. Non, mais je le mettais là, mais on peut. Pas spécialement. Faire passer là-dessus. L'histoire est très très simple. On suit la famille Pike, il me semble. C'est ça. On suit la famille Pike à Royal City, une ville paumée des USA où il n'y a pas grand chose à part une usine qui fait tourner la ville. Une petite ville qui est en proie à la désertification de sa population et du tourisme également. C'est vraiment un gros drame familial qu'on va avoir sous les yeux. Famille qui semble, enfin qui, pas qui semble, qui est hantée par le fantôme d'un certain Tommy. L'enfant de la famille qui est décédé. Alors on apprend vers la fin du bouquin comment il est décédé. On nous met des petits indices par-ci par-là tout le long de l'histoire. On comprend vraiment à la fin, donc on va peut-être garder ça sous clé. Mais le plus étonnant, c'est qu'il apparaît en fantôme... à chaque membre de la famille, mais à chaque fois de manière différente. Un âge différent. Un âge différent, voilà. Alors qu'il est mort en étant encore enfant. Donc ça, c'est déjà assez perturbant. Mmh. Bah, il apparaît de la façon dont la personne voudrait qu'il soit, voilà, c'est ça. Au moment T, quoi. C'est ça. Enfin, je sais pas si c'est... Ouais. C'est le pote de galère pour le frère... qui est en galère. Qui est en galère, un petit peu alcoolo sur les bords. Le fils parfait... Un petit peu beaucoup alcoolo et drogué, oui. Le fils parfait religieux pour la mère. Pour la mère qui a fait une fausse couche. Le petit garçon pour le père. Bah, c'est ça. Le petit garçon, c'est pour la sœur. Le père, il est dans le coma pendant tout le tome, donc... Tel qu'il serait idéalisé. Oui, voilà. Voilà, par ces personnes-là. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un raccord parfait. Si jamais il avait grandi, ça se trouve, ce serait mon pote de chambre. Ça se trouve, ce serait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, Issam l'a dit, le père a fait une crise cardiaque au début du tome. Et c'est du coup l'occasion, entre guillemets, parce que c'est jamais une très bonne occasion, une crise cardiaque dans une famille, pour la famille de vraiment se rassembler avec le retour d'un des frères en ville. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Royal City? Il me semble que Issam, déjà, niveau dessin... Bah, j'aime beaucoup, je trouve ça vachement original. Alors, Le style de l'émailleur, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Feuilleter avant d'acheter, hein, parce qu'effectivement, c'est quand même particulier. Et je comprendrais tout à fait que ça plaise pas du tout. Mais moi, je trouve ça super sympa. Surtout, ça pose une ambiance un peu particulière, un peu bizarre, qui va bien, en fait, à cette histoire-là. Alors, même la colorisation, je la trouve intéressante. Je sais pas trop avec quoi il a fait ça. On dirait des aquarelles. C'est de l'aquarelle. Ouais, c'est de l'aquarelle. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, par contre, c'est la radio, qui est extrêmement importante là-dedans. C'est, parce que c'est un peu la jonction. C'est un peu le... Tout passe par les ondes, et finalement, c'est la radio qui va transmettre... le lien entre les défunts et les vivants. Entre c'est le à la défunt. Fin qu'on le comprend. Enfin, entre le défunt, oui. Enfin, entre, ça fait partie des mystères du truc, c'est pour ça. Ouais. On va marcher sur des œufs, pour ne pas trop en dire. Non, mais voilà, c'est vachement bien. L'ambiance est plutôt lourde. Hein. L'ambiance est lourde, mais... En fait, il y a beau y avoir l'aspect fantastique, c'est plus un drame familial, au fond. Je trouve. L'aspect fantastique, Alex, Jassem a fait la même réflexion en off, et je pense être d'accord avec lui, à mon avis, sera plus présent dans les prochains tomes. Bah oui, parce que clairement, la fin laisse présager des... Oui. Plus d'explications là-dessus. Donc, on en parlera en off, des suppositions, mais... Ouais, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'explications, et limite, ça n'en a pas besoin. C'est juste, t'as cet univers dans la gueule là, et tu comprends pas. C'est-à-dire que quand tu arrives sur le truc des ondes, tu dis, ouais, c'est quoi ce truc? C'est tout, t'en sais pas plus. Bah, ce premier tome, il regroupe chaque chapitre qui explique la situation d'un des membres de la famille. C'est ça. Et le dernier qui passe sur le père de famille, justement, qui est dans le coma, et c'est là qu'on commence tout l'aspect fantastique de l'histoire. C'est ça. On voit tous les liens entre tous les personnages. Il y a tout qui s'imbrique. Et... C'est ça. S'imbrique, pardon. Et pour le coup, le final donne envie d'en savoir plus. Clairement. Ah oui, carrément. Le final, c'est quand même une bonne teinte dans la gueule. Et très poétique. Ouais, vraiment très bien. Ah, bon, donc Urban le vend à 10 euros parce que c'est un tome 1, ils ont l'habitude de faire ça maintenant. Avec leur série indépendante, ouais. Donc prix vraiment, de lancement. Prix de lancement. Pas d'excuses pour la fin pas du l'acheter, juin. Quoi. Jusqu'à la fin du mois de juin, prix de lancement, édité par. Par Image Comics aux US. Est-ce que c'est lui qui fait les couleurs aussi? C'est pas précisé. Donc c'est lui. C'est pas précisé. Oui, c'est pas précisé, c'est lui. Mais effectivement, tout fait à l'aquarelle, il a dû passer un certain temps quand même. Parce que là, c'est pas de la palette graphique. Ouais, très souvent, cette page-là est magnifique. Très souvent, quand l'émir fait les dessins, c'est des œuvres très personnelles. Hein. Ouais. C'est lui qui fait tout. Bah, il y a une très bonne postface, justement, où il parle... Une postface. Ouais, de la genèse. De la genèse de l'œuvre, etc. Ouais. C'est super intéressant à lire. Ils ont fait pareil pour Black Hammer, et je suis content qu'ils l'aient fait, c'est vachement intéressant. Encore une fois, on peut saluer le travail d'édition d'Urban Comics. Hein. Ça, clairement, comparé à d'autres éditeurs, il y a peu de choses qu'on peut leur reprocher. Hein. Ah, parce que là, sinon, chez l'autre éditeur... Tu parles d'un éditeur italien... D'origine italienne, qui aurait les droits de Marvel Comics pour toute l'Europe, c'est ça? C'est ça. Parce que je maintiens que pour plus cher que ça, t'as la bande dessinée d'Hanouna. Hein. Elle est pas bien. Hein. Oh putain, mais merde quoi! Elle est plus chère que ça? Je crois qu'elle est plus chère. Ah bah oui, c'est une BD, elle doit être à 15 balles, non? Non, à mon avis, elle doit être à 10,95. D'accord. Enfin, après, il est à 10 euros, je crois, en juin. Après, il doit passer à 15 balles, après, je pense. Non, mais c'est intéressant, la bande dessinée d'Hanouna, parce que les gags que j'ai trouvés sur Internet, en fait, je ne comprends... C'est même pas que je ne comprends pas la blague, c'est que je ne comprends pas où est la blague. Ah, mais moi aussi, j'ai l'impression de faire un bout de tranche de vie, et puis que ils essayent de dire « Eh, c'est lui, c'est drôle !» C'est ça. Non, je m'en fous. C'est... Non, mais ça doit être de la private joke, ultra private. Ouais, de l'émission, quoi, si tu regardes c'est pas ça. L'émission... On n'est pas le public cible. On n'est pas le public cible. On vient quand même d'entendre une phrase qui contient les mots intéressant et Hanouna quand même. Hein. Ouais. Vous vous en rendez compte. Puis, en fait, on dirait que ça a été dessiné par un mangaka qui aurait pas eu ses assistants pour faire les décors. Il n'y a pas de décor, jamais. Si, à un moment, il y a un couloir. À un moment, il y a un couloir. sur un gars qui se sont sentis obligés de mettre sur une planche. Mais... Ouais, c'est pas sûr. Alors que dans Royal City, il y a des décors. Ouais. On fera pas de review sur la celle d'Hanouna. Hein, non, on s'en fout. Voilà, c'est de la merde. N'achetez pas. Voilà. Si vous aimez David Lynch et Wes Anderson, lisez Royal City. Oui, clairement. C'est... Avec une petite pointe de, comme on disait en off, et ça m'est encore sorti de la tête, Dickens. Oui. Avec une petite pointe de Charles Dickens dedans. Je trouve pour l'ambiance et le côté situation familiale Parce que Will Dickens, les familles éclatées, il aimait bien ça. Quand il y avait des familles. Ouais, quand il y avait des familles. Bah après, tu me diras, quand il n'y a plus de familles, c'est qu'elles sont bien éclatées, quoi. Ah oui, c'est qu'on les a bien éclatées. Ouais. Ah oui, ça. Hein, Oliver Twist, sa famille, elle est bien. On lui a bien éclaté, ouais. Bah même dans les grandes espérances. Oui, aussi, oui. Enfin, aussi. Dans les grandes espérances, la grande espérance, c'est clairement pas la famille, quoi. Non. Clairement. Bon, Royal City, un titre qu'on recommande tous. Bah non, dans les grandes espérances, ouais. Son espérance, c'est se taper la bourge du coin. Et de regarder Twilight. Et de feuilleter la BD de Cyril Hanouna, c'est dispo sur Internet. Allez voir, vous rigolerez 5 minutes. Ah, ça mériterait d'être gratuit en PDF. Devant un truc aussi indigent. Alors, ça peut être disponible à la librairie au gré des bulles, mais il faut payer une surtaxe. On appelle ça l'impôt connerie. C'est ça. Le prélèvement fanzouz. La TVA au con. Le prélèvement fanzouz. Donc Royal City, on est 4 autour de la table, on est 4 autour de la table à avoir apprécié, on est 4 autour de la table à recommander. Non mais c'est 10€, il faut y aller quoi. Oui voilà, c'est ça. C'est... Oui c'est ça. Jusqu'au mois de juin c'est 10 balles, on va pas se priver quoi. Prenez Black Hammer en même temps. Qui est encore à 10€ jusqu'au mois de juin lui aussi. Faites-vous une spéciale Lémire. C'est ça. Et puis même acheter tout ce que Lémire a fait, tout simplement, comme ça au moins c'est réglé. Quoi? Pas tout. Bah pourquoi? Pas tout. Bah vas-y dis-moi. Pas les X-Men. Non mais les... T'as dit acheter tout de l'Émir. Ouais, je te dis non. Bah, son Moon Knight est bon, par exemple. Oui. Mais acheter ce que l'Émir a fait en indé. En personnage seul, quoi. Pas les équipes. Non, mais même en comics indépendant, je veux dire. Ouais. Pas mainstream. Mmh. Bah, en comics indé, vous pouvez y aller. Il a jamais rien fait de mauvais, quoi. Et chez Marvel, Moon Knight, c'est très bien. Mais oui, c'est X-Men, c'est daubé. On est d'accord. Passons au prochain titre. Un titre qui va nous être parlé... par Necro, puisque c'est le seul à l'avoir lu, I Love You, So I Kill You, édité par Soleil Manga, il me semble. Alors, Soleil Manga, dans la collection Sanen, est dessiné par, alors scénario de Majuro Kaname, et dessin de Susu Sakakibara. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est le mec tranquille, qui a tendance à pas trop se mêler aux autres, à être plutôt discret, et à faire des tâches ménagères pour aider l'école. Il se fait clairement exploiter, quoi, mais il se fait exploiter par sa propre volonté. Et en plus, il y a une fille pour qui il a un crush, qui lui en fout plein la gueule. En mode pire que tsundere, là je sais pas, faudrait inventer un nouveau terme. Non, j'en ai marre des termes, ils ont trop de termes chez eux, on va arrêter. Enfin bref, une nana qui lui en fout plein la gueule, c'est une sadique qui a décidé que lui, de toute façon, il se laissait faire, donc du coup qu'elle pouvait lui tartiner la gueule avec des crampons. Voilà, et il a un crush sur elle. Et ouais, bully, donc quoi. Il passe un peu une vie de merde et sinon bah il surveille de temps en temps parce qu'il y a des c'était mecs. C'était le bruit du manteau hein. Au cas où certains se poseraient la question. Je suis en train de lire Infection. Tu t'en vas c'est ça. Et sinon bah il surveille quand même à chaque fois il y a des mecs qui viennent la voir donc qui ont des vues de sortir avec elle et elle a tendance à les envoyer chier. Mais de façon propre, hein, direct. Et ça, c'est le bruit d'un paquet de gâteaux. Ouais, que je vais pas ouvrir, ça fait trop de bruit. Mais si, vas-y, fais-toi plaisir. C'est Necro qui parle. Oh, putain. Je m'en fous, je me casse. Non, mais vas-y, je peux ouvrir, on s'en bat les couilles. En vrai. Alors. Vas-y. Non, peut-être. Merci. De rien, il le colle bien vers le micro. Et sinon, bah, y a un soir où il y a une nana qui se fait agresser sexuellement devant chez lui, et il décide de ne pas réagir. C'est-à-dire qu'en fait, il agit comme un humain normal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas lui qui est concerné, il s'en branle un peu, du coup, il se dit, bah, je vais pas risquer ma vie pour quelqu'un que je ne connais pas. Mmh. Et puis, au bout d'un moment, bah, il a... C'est limite comme manière de penser, mais bon. Ah non, mais je veux dire, en masse, on pense comme ça, je veux dire... C'est prouvé, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à pas y aller du moment qu'on n'est pas concerné directement. Oui, je vois ce que tu veux dire, après. Et puis, au bout d'un moment, bah, il a quand même un petit peu de morale qui vient le tiller, parce que bon, quand même, il entend effectivement l'agression devant lui, donc il y va. Et là, il y a un mec avec les yeux qui saignent, qui fonce sur lui, en disant « t'approche pas de moi, sinon tu seras contaminé par mes sentiments ». Et là, on comprend pas trop le truc. Et il se réveille dans son lit. Et il arrête ici. Non. Et donc on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop, enfin lui pense qu'il a rêvé, et quand il parle avec les voisins, non, les voisins l'ont mis dans son lit, il a vraiment été agressé par quelqu'un, et plus ça avance dans le temps, plus il va commencer à avoir des pulsions de meurtre, mais à voir les gens, par exemple, à voir les gens déchiquetés comme s'il les avait tués. Et donc, il essaye de lutter contre ses pulsions de meurtre. Et là où il a le plus de pulsions de meurtre, c'est justement envers la nana qui avait tendance à le maltraiter. Sachant que elle va commencer à le voir différemment parce qu'il commence à être flippant. Et donc, elle commence à avoir peur un peu pour elle, des moments, mais surtout pour lui. En se disant, merde, il se transforme, il devient quelque chose de bizarre. Et, ah oui, et puis il a des super pouvoirs aussi. Il est surpété en puissance. Donc on ne sait pas ce que c'est ces transformations-là. Sur le tome 1, on reste vraiment dans le flou par rapport à sa condition. Par contre, les visions horrifiques sont vraiment bien faites. Je vais enfiler une que je vais faire tourner. Ça, c'est une de ses visions. Ce n'est pas la réalité. D'accord. À savoir que là, il y a la nana qui est attachée dessus, hein, normalement. Oui, d'accord. Oui. Et donc, en fait, il y a... Tiens. Oui, j'ai vu. Issam, t'as vu? Ouais, effectivement. Ouais, tu vois, c'est pas le genre de vision qui est gentillette, quoi. C'est vraiment, quand il voit une vision, c'est vraiment... il s'est passé un putain de carnage à la hache pendant un quart d'heure, quoi. Et sinon, il est pas le seul contaminé. Il y a vraiment quelques personnes qu'il va croiser qui ont les mêmes problèmes et qui ont envie de buter ceux qu'ils aiment. Donc voilà, ça, c'est un truc que j'ai envie de suivre. Sinon, au niveau de l'édition, elle est vraiment cool. Soleil Manga a fait du bon travail. Et ça coûte 1€ de moins que Alice Wonderland. Mais ça coûte le même prix que Infection. Ouais, du coup, c'est mieux que Infection pour moi. De ce que je comprends, il arrive à projeter des situations comme ça dans la tête des gens. C'est mal expliqué. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il a un regard de tueur qui fait vraiment peur. Ok. C'est-à-dire qu'il va. C'est comme. Ça, on retrouve ça dans Assassination Classroom. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage qui, à un moment, va avoir une telle expression que l'autre en face va flipper pour sa vie. Mm-hmm. Et bah, c'est ça qu'il transmet. Par contre, à côté de ça, lui, il a la vision qu'il est en train de buter la personne. Donc moi, j'ai trouvé ça assez agréable. Et oui, ça mérite bien... là, ça mérite bien un petit avertissement quand même. Et c'est pas sexualisé. C'est-à-dire même s'il y a une sorte de début de romance, bah, il n'y a pas de gros plan culotte gratos ou truc comme ça. C'est bien. C'est cool. Mais il a la journée, ah oui. C'est pas très radiophonique, par contre, ce que vous devenez faire. Là. Pardon. Non, mais c'est pas grave. On a inventé un plan où il y a une nana qui est traînée par une bagnole et c'est trash. Par des intestins, évidemment. Ils sont accrochés comme ça à l'arrière de la voiture. Non, mais. Tout se passe bien. D'accord. Donc voilà, ça, c'est une de mes recommandations. Super. Dans le moment. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, d'accord. Eh bien, Nécro, merci de nous avoir parlé de ce titre qui ne nous a pas du tout intéressé à nous trois. Donc merci de l'avoir lu. Et dont on a toujours rien à foutre, non, même maintenant qu'il nous en a dit du bien. Non, pourquoi pas, après tout. Ah, Alex aussi a froid, apparemment. Oui. Ah oui, il va falloir venir acheter plus de mangas pour que je me paye du chauffage. On va faire un crowdfunding, il y a eu à peu près, on l'a compté, 150 000. Hein, pour 150 000. Pour un petit radiateur d'appoint. Ça coûte cher, EDF, maintenant. C'est, ouais, bah, c'est l'électricité augmente. Hein. C'est ça. Et puis il y a les piles de l'appareil à payer et tout. Ouais, là. Hey, ça bouffe de l'énergie, ces petits trucs-là. Bon, il est temps de passer au prochain titre de cette sélection. Il est l'heure de parler de Shuzo Oshimi avec Happiness. Édité par Pika Édition, et je sens, Guissam, ça va te faire plaisir de faire un petit résumé, parce que oui. C'est un auteur que tu apprécies grandement. Oui. Moi aussi, cela dit. Nous ne sommes que deux à l'avoir lu autour de cette table, donc Guissam et moi, tout simplement. Alors, c'est Happiness, ça raconte l'histoire de Makoto, un lycéen un peu, comme dans le précédent dont tu nous as parlé, Aurélien, un lycéen un peu brimé par ses camarades, un peu moqué... un peu isolé, voilà, c'est refermé sur lui-même, je veux dire, l'adolescent mal dans sa peau, lambda, qui un soir se fait agresser par une jeune fille qui a l'air d'avoir à peu près son âge, et qui lui laisse le choix, soit je te tue, soit tu vas devenir comme moi, à savoir tu vas devenir un vampire. Et il choisit de continuer à vivre en étant un vampire. Et effectivement, dès le lendemain, il commence à se sentir bizarre, à ressentir une attirance, à sentir l'odeur du sang des autres. C'est d'ailleurs très bien mis en scène, avec des dessins distordus, vraiment une mise en scène intéressante quand il est en manque de sang. Ouais, voilà. C'est comme s'il commençait à avoir des malaises, en fait. Et donc, il essaie de gérer sa soif de sang qui grandit... Voilà, c'est le premier tome, c'est surtout sur ça. Oshimi, c'est un auteur qui a tendance à bien prendre son temps pour développer ses trucs. Ouais. Donc il se passe finalement pas énormément de choses dans ce premier tome. C'est très basé sur l'ambiance et sur la présentation du personnage principal et de quelques personnages secondaires. Mais oui, mais on peut s'attendre à pas qu'une histoire de vampire classique. Avec Oshimi. C'est déjà dans le tome 1, c'est assez clair que le vampire va se servir de grosses métaphores de la sexualité adolescente. C'est ça. C'est déjà un petit peu le cas. Hein. Parce que quand le personnage a des envies de sang, c'est toujours. Bah déjà, c'est surtout sur des corps féminins qu'il est attiré. Ouais. Et c'est surtout genre sur les jambes, sur le cou. Tu vois, sur des parties assez sexuelles, en fait, du corps humain. Bah, sur les jambes, tel que je l'ai interprété, c'est une odeur de sang liée aux règles. Voilà, ça peut être ça. Moi, j'ai interprété comme ça, en tout cas. Et puis oui, il y a une scène, justement, où il n'arrive pas à s'empêcher de sauter sur une de ses camarades de classe, et elle l'interprète comme un mouvement amoureux, elle. Donc, il y a clairement cette ambiguïté. Si j'avais su. Il est con, lui. Donc ouais, je sais pas si je suis très objectif parce que j'aime vraiment beaucoup Oshimi. Moi aussi, cela dit. Et pour moi, en fait, à la lecture de ce tome 1, pour l'instant, ça a réussi à combiner les expérimentations graphiques que pouvait y avoir dans Marie et l'histoire beaucoup plus maîtrisée, la narration beaucoup plus maîtrisée des Fleurs du Mal. Ouais. Donc si ça continue sur cette voie-là, ça pourrait être clairement sa meilleure série. Surtout que la série est toujours en cours au Japon, ouais. En ce qui concerne Happiness, alors que Les Fleurs du Mal est terminée en 11 tomes au Japon. Chez nous, on en est au tome 8. Et c'est toujours aussi bien. Et c'est toujours aussi bon. Mais objectivement, tout à l'heure, tu disais que l'auteur avait tendance à prendre son temps, que c'est un tome plutôt d'introduction. Ouais. Qu'est-ce qui donne envie au lecteur d'aller voir la suite ? La conclusion du tome, déjà. C'est ça. La conclusion, c'est vraiment une conclusion en apothéose, en fait. Ok. C'est parce que, comme vous l'avez pas dit, je me suis dit, si c'est un tome, entre guillemets, plat. Non, non. S'il faut se baser seulement sur l'auteur, c'est. C'est plat dans le sens où le côté vampirique du personnage se réveille vraiment tout au long du tome. Mm-hmm. Mais justement, il y a explosion sur le final. Ok. Bon, bah, c'est rassurant. Visuellement, je trouve ça magnifique. Il dessine super bien. C'est ça. Alors, il y a toujours un reproche récurrent que beaucoup font à Oshimi, c'est que ces mangas se lisent vite, parce que pas beaucoup de narration textuelle, j'entends. Ouais. Mais parce que c'est aussi l'une des forces d'Oshimi, c'est de réussir à faire de la narration non textuelle, uniquement par le dessin. Et mine de rien, c'est pas donné à tous les auteurs de réussir à te faire comprendre une histoire et à te raconter vraiment une histoire fluide, uniquement en passant par le dessin. C'est plutôt une force, en fait. Enfin, je trouve, moi, personnellement, que c'est une force. Bah, dans son cas, c'en est clairement une, ouais. Et si, il y a Asano qui y arrive. Quand Asano aussi y arrive. Mais bon, les deux font partie un petit peu de la même vague, on pourrait dire. Ouais. Quoi. D'auteurs qui apportent un vent d'air frais au manga. Quoi. Et puis je trouve que Oshimi, il arrive très bien à dessiner des personnages, enfin, à installer des personnages assez profonds, super rapidement. Mm. Là, on va dire qu'il y a trois personnages importants. Dans celui-là, il y a le héros, la vampire... Et la camarade de classe qu'il rencontre vers le milieu du tome. Et les trois, finalement, sans explication lourdingue, il les dessine super bien au niveau de leur caractère. Et la vampire, c'est celle qui est en couverture, du coup ? Ouais, c'est elle. Il est quand même temps de parler des choses qui fâchent, parce qu'il y a des choses qui fâchent. Mais ce n'est pas de la faute d'Oshimi. Le prix. C'est ça. Édition Pika, 7,75€ pour une édition qui n'apporte rien du tout. Ouais. Qui fait totalement abstraction des pages couleurs présentes dans l'édition japonaise. Merci beaucoup. À ce prix-là, on peut s'attendre à une meilleure qualité quand même. Surtout que même le papier n'a rien d'extraordinaire. C'est ça. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette édition. Parce que c'est-à-dire que normalement, fais voir. Alors du coup, normalement, dans l'édition japonaise, on a quand même... C'est vrai qu'avoir volé Oshimi, 4, 5, 6, 7, 8 pages couleurs. Normalement, il y a 8 pages couleurs qui ne sont pas en couleur, du coup, dans l'édition française. Mais dans l'édition Jap, il y a 8 pages couleurs pour ouvrir le manga qui ne sont pas présentes ici. Pour un manga qui est vendu 7,75€, c'est légèrement du foutage de gueule. Alors que pour 1€ de moins, eh ben, on peut avoir Berserk avec une petite affiche. C'est d'autant plus dommage que les couleurs de Oshimi, quand il fait les pages couleurs, sont magnifiques. Ah, c'est ça. Parce que oui, si on en va là, pour 1€ et 15 centimes de moins, bah, tu as les Fleurs du Mal chez Kiun qui a les pages couleurs, quoi. Et qui a des magnifiques couvertures, en plus, qui respectent à chaque fois les couvertures différentes des tomes japonais différents. Il n'y a pas de page couleur dans les Fleurs du Mal. T'es sûr ? Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, ça respecte quand même les couvertures. Oui. Voilà. Ah oui, le travail sur les couvertures des fleurs du mal. Mais après, si tu veux les pages couleur, tu prends tes crayons de couleur et tu fais pas chier. Ça se trouve, c'est ça en fait. C'est un bonus pour les enfants. Oui. Dans le prochain tome, j'ai entendu dire qu'ils allaient mettre des petites additions pour te dire quelle couleur ça va être. Parce que les fleurs du mal, tout. Je montre les fleurs du mal à nos deux collègues ignares qui ne lisent pas les fleurs du mal. Tous les trois tomes, la couverture au niveau texture et au niveau style, design change. Vas-y, je connais les fleurs du mal, c'est Stendhal. Il est con. Et c'est un rapport avec l'histoire ou c'est juste. Le personnage principal est. Germinal aussi. Ouais, c'est ça. Vachement bien. Germinal avec Renaud. Ouais, c'est ça. Le personnage est fan des fleurs du mal, en fait, tout simplement. Le personnage, hein, pas l'auteur. Oui. D'accord. Je pense qu'il y a un lien. Hein, oui, je pense que l'auteur. Mais donc, quel est le rapport alors? Enfin, pourquoi ça change les couvertures? Je pense que c'est un travail éditorial de qualité. Voilà, c'est parce que l'auteur a voulu faire ça au Japon et donc bah, Kiyun le respecte en France. Ok. Non, je pensais qu'il y avait une raison, peut-être. Non, je pense que c'est. Parce que là, il y a vraiment un grain différent. Bah ouais. Ouais, non, mais tout change. Ça tranche, quoi. Mais donc voilà, c'est juste pour encore une fois pointer du doigt sur limite le non-travail éditorial de Pika, quoi. Mm-hmm. Tu peux pas faire des mangas plus chers que la moyenne parce que 7,75 ça commence à être. Dans le haut prix du manga, on va faire ça avec un non travail éditorial, c'est pas possible. Parce que là, 6,60 hein, les fleurs du mal. Oui, hein, voilà, c'est ça. Donc, oui, non, on est vraiment. Non, mais c'est parce qu'ils savent que c'est Oshimi. Oshimi, ça vendra pas forcément énormément, mais ça vendra auprès de son public. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment, si vous connaissez pas ce qu'il fait, bah, je vous recommande soit Happiness, parce que ça démarre quand même super bien, malgré le travail éditorial. Soit les fleurs du mal. Ouais, J'ai été un peu moins fan de Marie. Je pense que Marie est le moins accessible de tous. Ouais, puis peut-être le moins maîtrisé. Moi, la fin de Marie m'a déçu, mais ça reste vachement bien. Et Marie, c'était chez qui? Akata. Parce que là, il y a notre responsable communication qui va me casser la gueule si je dis pas du bien de Marie. Mais pas peur de lui, c'est bon, il fait 1m10, c'est bon. Allez. Petite dédicace. Ouais, mais il a Twitter, hein. Il est dangereux. Bon, bah voilà, Happiness, c'est recommandation x 1000. Ouais, bah clairement. C'est, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de trucs que j'ai aimé ce mois-ci, mais Happiness, c'est pour moi le plus gros coup de cœur. Oui, moi aussi, ça fait partie des coups de cœur du mois, Happiness. Ensuite, on parle de la suite. non, pas ça. Remets ça dans le carton. T'as vu, c'est toi qui tricote. Alors, je trouve qu'il y a du fan service quand même un peu. Il est en train, pour cela, c'est pas très, encore une fois, il est en train de nous montrer un hentai. Voilà. Voilà. Bon, recommandation à 100% pour Happiness, ouais, comme je l'ai dit. Complètement. Il y a vraiment que le travail éditorial de Pika, mais ça, on commence à avoir Pika, l'habitude. Sortez-vous les doigts du cul, ouais. Voilà, c'est ça. Ça mérite d'être clair. Bah oui, c'est ça, parce que bon, c'est bien beau de piquer des auteurs à d'autres éditeurs, mais après. Ah, piquer. En même temps, il a 3 séries, il n'y en a aucune qui est chez le même éditeur. Oui, non, mais je fais référence à d'autres, ouais, à d'autres auteurs de chez Pika. Ah, c'est bien, on a dit à peu près je sais pas. 50 fois Pika en 10 minutes. Sans pas dire une seule fois pour en dire du bien. Sans dire Pikachu. C'est bien. Bah, ça, maintenant, c'est fait. Bon, on va retourner aux comics. Alors, ça va être. Perdre 200 auditeurs, là. Ça va être très rapide. Rick et Morty, vous êtes fan de la série animée, c'est très bien. Vous êtes pas fan, vous n'aimerez pas. Voilà, c'est tout simplement. C'est exactement dans le même esprit. Le dessin est peut-être moins bien maîtrisé que dans l'animé, forcément. Mais voilà, c'est bon pour Rick et Morty. C'est fait. On peut passer à la prochaine sélection, qui est donc un titre e-comics, tout comme Rick et Morty. The Few, écrit par Sean Lewis et dessiné par Aiden Sherman. Pour faire un résumé de The Few, on est dans un moment où le monde est un peu dans l'apocalypse, j'ai envie de dire. C'est un peu chacun pour soi. Enfin, les États-Unis, tout du moins. Ouais, c'est les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est le monde entier, donc. Selon leur vision, oui. Donc il y a des clans qui sont créés, il y a notamment le gouvernement qui est seul contre tous mais qui est tout puissant. Et on est dans une période de propagande, si je me souviens bien, ouais, ça. En fait c'est les États-Unis aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Sauf que là il fait froid, il y a de la neige et donc les combats sont un peu plus rudes. Et qu'il n'y a vraiment plus le gouvernement. Et on suit plus particulièrement l'histoire en fait d'un soldat du gouvernement, une soldat. Qui est chargé de s'infiltrer dans un groupe rebelle pour espionner et faire son rapport au gouvernement pour démanteler tout le réseau. Sauf que suite à une grosse fusillade dans une petite ville, elle se retrouve en fait à la charge d'un nourrisson donné par un villageois qui va se faire exécuter, quoi, en gros. Et elle va avoir une espèce de prise de conscience comme ça où elle va se dire bah finalement ce que je fais c'est pas bien, quoi. Et donc on va la suivre dans son parcours de rédemption, encore une fois, où elle va essayer de faire le bien pour se rattraper. Et il va y avoir des petits éléments de son passé qui vont se raccorder avec son présent, justement, parce qu'elle se retrouve dans un groupe bien particulier de résistants. Non, mais c'est bon, on peut s'arrêter là pour le résumé. On peut s'arrêter là pour le résumé. Le résumé est très très bon. Voilà. Monsieur Alex. Je ne veux pas trop en dire parce que ouais, la fin, c'est... On peut préciser que, bah, qu'il s'agit d'un one-shot. Oui. Un récit en un seul volume. Ouais, c'est une intégrale. Quoi. C'est une intégrale. C'est édité par qui, ça? C'est édité par Image. C'était édité par Image, il me semble, aux US. C'est pas indiqué directement sur la couverture. Regarde sur les couvertures US qui doivent être à la fin du bouquin. Le style graphique est très particulier et, à mon avis, ne plaira pas à tout le monde. Ouais, c'est comme dans le cas de Royal City, feuilletez bien avant d'acheter. Hein. C'est ça. C'est un style très griffonné. Très griffonné, très carré. Oui, c'est du Image. C'est du Image Comics. Ouais, mm-hmm. Ouais, très griffonné, très carré. En fait, ça fait même limite pré-dessin terminé, en fait. Même les couleurs, il y a certaines planches où ça joue beaucoup sur le vide et sur, sur l'absence de couleurs. Bah, en fait, ça joue beaucoup sur les décors enneigés, en fait. Ouais. C'est ça. Mais du coup, ça donne des magnifiques pages où, justement, le rouge des accès de violence ressort encore plus... en fait, pour ce côté jeu de couleurs, il y a un gros côté Sin City, en fait. Oui, oui, parce que c'est vrai que ça joue quasiment que sur le rouge, le jaune et les nuances de ces couleurs. C'est pas complètement monochrome, mais on y est presque. C'est ça. Les moments en fait, où il y a le plus de couleurs, c'est les moments super calmes. C'est les moments de discussion où les personnages sont posés au KLM, comme disent les jeunes. et où il n'y a pas beaucoup d'action. Mm. Mais... Que dire, mis à part que c'est une lecture qu'on peut recommander à fond. Ouais, c'est très très chouette. En soi, au niveau de l'histoire, c'est relativement déjà vu, c'est classique, mais les personnages sont super attachants, je trouve. Ouais. Moi, j'ai eu un petit bémol perso, c'est le début que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'on nous balance plein de choses d'un coup. Beaucoup d'informations à ingurgiter et à digérer. Après, ça se passe beaucoup mieux, ouais. Et au début, peut-être un petit souci de temporalité. Même au niveau du dessin aussi, on a un peu de mal à distinguer au début. Il faut qu'on s'y habitue. Ouais. Tu vois ce que tu veux dire. Il y a un petit travail du lecteur quand même. Et c'est vrai que le dessin, moi, il m'a tapé dans l'œil direct, dès le début. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas, de toute façon. Mais c'est vrai que je peux comprendre. Enfin, moi, ça m'est aussi arrivé des cases où il faut vraiment être attentif pour comprendre ce qui se passe. Mm. Elles sont quand même assez minoritaires. À ce que je vois, c'est du dessin plus d'ambiance, plus de... c'est pas de la surenchère graphique, ouais, on va dire. C'est plutôt vraiment concentré sur l'ambiance, le vent, le froid, l'éblouissement, les choses comme ça. C'est ça. Puis ça prend beaucoup sa place, truc assez rare pour un comics. Les chapitres font une cinquantaine de pages. Ouais, ils sont super longs. Mmh. Ouais. Ouais, à mon avis, ça a dû sortir direct en graphic novel, non ? Non, ça sortait au mois le mois. Ah ouais. Il y avait une vraie publication mensuelle avant de sortir en relié. Ouais, cette page-là est magnifique. Ah ouais. Ouais, c'est où on découvre la capitale. Ouais. Mais ouais, je recommande. On recommande tous les trois, clairement. The Few, Alexis Sam et moi, on recommande. Ah ouais, moi je le recommande. En plus, pour le prix, une belle intégrale pour 25€. C'est vrai aussi, ouais, on peut préciser ça. Ça les vaut. Il y a quand même une postface avec des explications de l'auteur sur son boulot. Il y a une variante avec Spawn, quoi. Oui, ils ont mis la variante avec Spawn. Non, mais voilà. Cette case-là, j'ai eu du mal au début. C'est à toi que je l'avais dit, je crois. En fait, je croyais que ça, je voyais que c'était un visage, mais ça, je crois que c'était des montagnes, en fait. Ah. J'avais pas vu que c'était la suite, en fait, du corps du personnage. Moi, au début, je croyais qu'elle se faisait bouffer. Genre, je croyais lire crunch, crunch, crunch. Non, mais c'est bon, je pense qu'on peut passer au suivant. Hein. Ouais, oh, tu me donnes pas des ordres comme ça, toi. 24,90 le prix. C'est ça. Donc un prix plus qu'abordable. Très correct, franchement, pour ce que c'est. Là. Ça avec moins 5% en plus, ça fait encore moins cher. Eh oui. Mais seulement moins 5%. Mais seulement. Hein. Faut arrêter de réclamer, monsieur Alex. Moi, je réclame. C'est pas mon genre. Ah bah non, pas du tout. Allez, passons au prochain comics de la sélection. Hop. Un comics qui va nous être résumé par Monsieur Necro, vu que c'est le seul à l'avoir lu. Un comics édité par Bliss Comics chez nous. Un comics Valiant, donc vu que Bliss Comics, mis à part Love is Love, bah, ils éditent que du Valiant Comics. Génération Zéro, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, ils sont quatre à travailler dessus. Donc, Fred Van Lint. Alors, je vais être très chiant. Là, je vais demander à quelqu'un d'autre de dire les noms. Tiens, Van Lint. C'est Van Lint. Ouais, bah, Fred Van Lint. Je savais pas comment le prononcer. Francis Portela, Diego Bernard et André Dalous. Voilà, là, plutôt qu'écorcher les noms, je préfère passer à quelqu'un d'autre. Alors, on suit l'histoire d'une jeune femme. Old style un peu atypique, enfin style atypique, piercing, cheveux violets, coupe, la coupe de tornade, hein, on va dire, plutôt, plus ou moins, qui a du mal à trouver sa place parce que elle se sent un peu différente des autres. C'est une psionique, non? Plus ou moins. Mm. C'est pas trop exprimé finalement son pouvoir dedans. Mais par contre, elle cherche à contacter une organisation secrète, tellement secrète que elle fait partie des trucs qui font partie des... Enfin, c'est une légende urbaine, telle que c'est exprimé. D'ailleurs, il y a une case qui m'a beaucoup fait rire là-dessus, c'est... Alors, à quoi ça correspond? Voilà, laisse tomber, ce sont des légendes urbaines, c'est comme Slenderman ou Donald Trump. Voilà, ça pose le tableau. On est dans un cadre très futuriste. C'est-à-dire qu'on arrive quand même sur une technologie avec des holo-écrans, donc vraiment plus rien de physique. Les écoles, l'école, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont assis sur des poufs et ils ont des holo-écrans. Et puis, on est dans Minority Report, mais il n'y a même plus d'écran physique. C'est une ville pétée de thunes, mais vraiment pétée de thunes, tout est florissant. Et bah, y a ses petites amours, elle aime le bad boy du coin, tout se passe bien, jusqu'au moment où le bad boy en question, il crève dans un accident de voiture, et bah, très vite on n'est pas trop persuadé que c'est un accident. Ah oui, alors il y a son frère aussi qui lui est persuadé qu'il y a des êtres qui peuvent passer à travers les murs, mais qui ne passent pas les angles, et du coup il fait des spirographes à la main, qu'il colle sur les murs pour empêcher les créatures d'entrer. Alors, je concours si un de nos lecteurs a réussi à comprendre l'intrigue, qu'il nous envoie un mail. Non, là, c'est du background. On lui envoie là. Le comics gratuit. Et donc, bon, bah, il y a une soirée étudiante où elle va, où elle a un peu de mal à s'intégrer parce que, bon, elle fait pas trop partie, elle fait pas trop figure locale. Mais là, il y a des jeunes qui vont lui parler en disant « Tu nous cherchais ?» Bah, c'est nous, en fait, que tu cherchais à contacter. On vient te chercher. Et donc, c'est les fameux... c'est des mutants. C'est des mutants qui viennent, en gros, la recruter. Et au moment où ils vont la recruter, ils sont attaqués par des Slenderman. Oui, on parlait justement des... Ouais. Et en fait, je peux pas trop dire l'intrigue. Parce que franchement, c'est à lire. C'est très beau esthétiquement. Ça se lit très bien. Ça se lit très vite. Beaucoup de parties oniriques, beaucoup de parties où on visitait l'esprit des gens. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça très sympa, très bien ficelé, très bonne édition. Valiant, là, on est à 24,50. Ça les vaut largement. Là, on en a pour son argent. Là, je passe un petit peu le truc. De toute façon, à ce que vous rendiez compte. Alors, sinon, aussi un truc intéressant, le personnage principal, son père est flic. Et bah du coup, elle va se retrouver confrontée à son père à un moment, parce qu'il va y avoir un petit conflit entre l'ordre établi et ce qui doit être fait. Et sinon, les créatures qu'ils affrontent sont plus ou moins des baudruches. C'est-à-dire que c'est pas des... Au niveau couleur, c'est vraiment sympa. Ah, il y a un très gros travail. Il y a un très gros travail sur l'image et la couleur. Mais voilà, il y a des moments où tu vas tomber sur des trucs un peu plus cartoonesques. Par exemple, quand ils sont dans l'esprit des gens. C'est vraiment très cartoon. Avance un petit peu d'une vingtaine de pages, tu vas voir. Moi, du coup, je rajouterais que c'est une lecture complémentaire si vous avez déjà lu les Harbinger, les Archer Armstrong et Imperium. Ça continue. Tiens, quel rapport? Voilà. Alors, parce là... qu'en fait, c'est le groupe de jeunes psioniques qui ont été manipulés par... D'accord, je vois. Comment ils s'appellent déjà? Harbinger aussi. Oui, Harbinger, ouais. Mais est-ce que tu l'as pas dit dans les listes Kier Gaillard? Si, je dis Harbinger, Archer Armstrong, Imperium. Là, par exemple, il y a un clin d'œil. Le mec qui dirige Imperium. Tommy, non. Tanak, non. Merde, c'est quoi son nom? C'est pas Tanaka. Attends, reste sur cette page-là, s'il te plaît. Toyo Arada. Ah ouais, Toyo Arada, rien à voir, quoi. Qui est le grand méchant, en fait, quoi. Sinon, là, je suis resté sur une page bien particulière. C'est qu'en fait, cette page-là, pour moi, c'est un clin d'œil à Archie. Ah bah oui, c'est Archie Comics. C'est Archie, Mystère et compagnie, qu'on a eu un moment à la télé, mais qui n'est pas très connu, finalement. C'est pas... Mais... et là, on arrive vraiment sur le truc cliché, quoi. Je veux dire... L'Amérique telle qu'on la voyait du temps de Retour à le futur. Mmh. L'Amérique des années 80 avec les bars à milkshake, les cinémas en plein air et tout ça. Moi, ça fait partie des bouquins que j'ai pas eu le temps de lire, mais que je veux absolument lire. Mmh. Génération Zéro. Pareil. Enfin, comme majoritairement l'univers Valiance. C'est un univers qui, pour l'instant, j'ai rien lu qui m'ait vraiment déplu, et c'est un univers qui m'intéresse vraiment. Mais il y a beaucoup de tracks, beaucoup de fuites, des conflits, mais qui sont pas... Si, il y a des moments où c'est assez violent, quand même. Je pense que si on pouvait faire un parallèle, ce serait le Génération X de Marvel. Quoi. Oui, c'est ça. C'est les X-Men. Hein. Mm. Ah oui, c'est les... C'est X-Men de Valiant. Non, mais je veux dire, par rapport au titre, tu vois. C'est... Ah oui, d'accord, Génération X. C'est le Génération X, quoi. Par contre, ce qui m'a fait sourire, c'est que la partie soirée étudiante en plein air m'a fait penser au slasher classique. Ah oui, c'est-à-dire qu'on fait des étudiants qui font à chaque fois la fête en pleine forêt, dans un lieu paumé, sans prévenir personne, avec des gobelets rouges. Du moi, franchement, je me dis, il y a un Michael Myers qui arrive, quoi. Du moment que ça ne te fait pas penser à Twilight, moi, ça me va. C'est toi qui reviens dessus, là. Ça arrive aussi, Twilight, hein, je pense. Ah merde, j'ai plus de souvenirs. Ah, je sais pas, c'est toi le spécialiste de Twilight ici, hein. Je revérifie. Non, je crois qu'il n'y a pas de pique-nique étudiant en pleine forêt. Il faudrait vérifier. Ah, c'est bon, t'as vu comment je les ai fait partout. C'est un de mes coups de cœur. Très bien. Mais je peux pas trop en dire. C'est ça qui est terrible. C'est que je peux pas trop en dire parce que l'intrigue est vraiment... c'est plein de sous-intrigues et d'intrigues et je veux pas en révéler. Mmh. On est d'accord qu'il s'agit d'un one-shot, que l'histoire est complète dedans. L'histoire peut être continuée derrière. Ça pose un univers et finalement, t'as envie d'en avoir plus. C'est-à-dire quand c'est fini, tu dis ouais, mais... Oui, en gros, la team est construite. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, il y a quand même à la fin le fin qui est barré. Ah, mais c'est pour faire référence au logo de la série. Mais voilà, il est temps pour nous d'avoir un vrai foyer. C'est oui, parce qu'après, ils montent leur team, quoi. Voilà, donc, à voir. Pour moi, je pense que c'est un à suivre dans l'univers Valiant, qu'on aura des nouvelles bientôt. Eh bien, merci de nous avoir fait un petit résumé de Génération Zéro. Moi, j'avais déjà envie de le lire, donc disons que tu ne m'as pas désespéré dans sinon, mon envie. Esthétiquement, c'est une claque. Hein, quand oui, même. Ça, ça, on est d'accord. Mais de toute façon, globalement, chez Valiant Comics, ils ont quand même des bons auteurs hein, au niveau dessin. On est d'accord. Il est d'accord. Je vois ça. Il dit qu'il est d'accord. J'ai rien à rajouter, c'est vrai. Bon, passons. Alors, passons à un petit rajout de dernière minute parce que j'ai oublié de le foutre dans le fil conducteur, mais de toute façon, on va en parler vite. On est trop à l'avoir lu. King of Eden, édité par Kihun, écrit par Takashi Nagasaki et dessiné par Inito. Moi, j'ai plutôt apprécié. Et je sais que mes deux comparses qui l'ont lu, Issam et Alex, ont trouvé ça total osef. Ouais, c'est ça. Osef sur 20 aussi. Que ce soit au niveau intrigue ou dessin. Ouais. Moi, je trouve que ça veut développer trop de choses et en fait, il n'y a rien à la fin. Moi, tu vois, justement, ça m'intrigue. Parce que, alors, petit pitch rapide, il y a un village qui... Enfin, il y a un gros massacre qui serait produit dans un village, arrêtez-moi si je me trompe, il y a un village où on retrouve plein de cadavres empilés les uns sur les autres et on pense que c'est l'œuvre d'un... Oui, parce qu'on retrouve toujours malade, la même personne sur les lieux. Voilà, on pense que c'est l'œuvre d'un gros malade. Et en fait, ça serait... plus profond que ça, une histoire de contamination. D'expérience gouvernementale. Voilà, non, c'est ça. Terrorisme plutôt, pardon. C'est ça, c'est du terrorisme. C'est du bioterrorisme. Ouais. Et donc il y a enquête, je sais plus de quel. Du FBI, je crois, enfin je sais plus de quel organisme gouvernemental, mais bref. Il y a enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe, que ce phénomène s'est produit dans plusieurs endroits du monde, en fait. Mm. Et donc il y a enquête pour savoir ce qui se passe. Globalement, c'est un peu le point de départ du truc, et c'est tout ce qu'on pourrait résumer du tome 1 au risque d'en dire un peu trop, quoi. Mais moi, ça m'a suffi à me donner envie, à en savoir plus, et à pourquoi pas potentiellement lire le tome 2, clairement. Mm-hmm. Après, franchement, je suis d'accord, au niveau dessin, bah, ça réinvente pas la roue. C'est super classique, ça innove rien, le découpage est ultra classique. Je trouve qu'il y a de la paresse quelquefois aussi. Au niveau du dessin ? Oui. Ouais, bah là, clairement, je suis d'accord. Hein, le dessin n'a rien d'extraordinaire, quoi. Vraiment, là, je suis d'accord. Bah ouais, moi-même, l'intrigue, je trouve que c'est un enchaînement de lieux communs. Ah oui, je suis d'accord, c'est pas... C'est bioterrorisme, zombies... Ça développe trop de trucs pour ne rien faire. Il y a trop de personnages aussi, du coup, on n'a pas le temps de s'attacher à eux. Mm. Après, à voir dans le tome 2 s'ils sont plus développés, quoi. À voir par la suite. Ouais. C'est... Honnêtement, ça me donne pas envie de lire le tome 2, là, en l'état. Ouais, ouais. Globalement, on peut rien dire d'autre sur King of Eden. Non. À part peut-être... On peut signaler le bon travail éditorial, il y a plein de pages couleurs. Ah, pour le coup, au début, il y en a une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine, ouais, quoi, des pages couleurs. Il y en a énormément au début. Là, clairement, le travail éditorial est bon. Moi, le seul coup de gueule que j'aurais à passer, ça serait, encore une fois... Le macaron putassier. Voilà, le macaron putassier, quoi. Par l'auteur de... c'est quoi Master Keaton, plutôt, et c'est quoi Billy Bat? Bah non, les gars, un auteur et un co-auteur, c'est pas la même chose, les gars. En vrai, c'est le co-scénariste de ces œuvres-là, c'est pas l'auteur. Enfin, voilà, je trouve ça putassier, moi, comme macaron. Je pense que, bah, là, pour le coup, pour en avoir parlé en neuf, on est tous les trois d'accord. Ouais. Clairement... C'est marrant, parce que d'habitude, c'est plutôt Kurokawa qui est un peu putassier, mais... À mettre des macarons. Ouais, oui, des gros, l'auteur de FMA a beaucoup aimé. Bon, après, ça devient running gag, quoi, mais... C'est ça. Ouais, c'est étonnant de la part de Kiyun. Alors, la couverture, sinon, est très correcte. L'édition est correcte. Ah, mais oui, là, par contre... Oui, l'édition, aucun souci. Mais bah, Kiyun, en même voilà, temps, c'est ça. Comme très souvent avec Kiyun, le papier est appréciable, il est épais, il est blanc, voilà. Très souvent, chez Kiyun, là, il y a bien un truc qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est le travail éditorial. Et ça, pour toute leur série. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui. Est-ce qu'on a fait largement le tour sur King of Eden? Il y a plein de pages couleurs au début. On l'a dit. On l'a dit, monsieur Nécro. C'est trop bien. C'est un vrai respect de la page couleur. N'est-ce pas, Pika? Eh ben... Enculé, va. Ah non, on n'a pas le droit de dire ça. Ah bah, celle-là, je la couperai pas. Celle-là, je mettrai même une petite réverbe. Pika. On va rester chez Pika. Après avoir fait une petite tacle sur leur qualité d'édition. Pour un titre, cette fois-ci, qu'on a tous lu, on va terminer ce podcast avec deux titres qu'on a tous lus autour de la table et qu'on a tous aimés autour de la table. Stranger Case, donc édité par Pika, dessiné par Shashiba Katase, œuvre originale de Kyo Shirodaira. Donc je présume qu'il s'agit d'une série de light novel à la base. Je sais pas. Ouais, je crois que je pense, ça. Hein, parce que sinon ils n'indiqueraient pas œuvre originale. Alors, c'est l'histoire de Kuro, un jeune homme malheureux, enfin, on sait pas trop pourquoi, mais malheureux, qui rencontre Kotoko, une jeune fille qui, dans mon souvenir, a une jambe et un bras en moins. Non, une jambe et un œil en moins. Une jambe et un œil en moins, voilà. Et ça, on le sait relativement tard. Hein, Ouais, mais bon, c'est quand même un des éléments essentiels, donc voilà. Elle a été mutilée, en fait, pour devenir la déesse de la sagesse et gérer des créatures surnaturelles, et en gros devenir une sorte de médiatrice entre ces créatures et les humains. Des yokai. Alors, la façon dont on s'est mis en place, on a l'impression au début qu'elle raconte des craques et qu'elle est à moitié pétée du casque, hein, quand même. Parce qu'en fait, elle passe sa vie à l'hôpital, elle en réduque, elle pète la forme alors qu'elle a vécu un traumatisme absolument dégueulasse quand elle était petite. Parce que les éléments surnaturels arrivent même assez tard. Et depuis, elle ne grandit quasiment plus. C'est-à-dire qu'ils prennent sa taille régulièrement, elle est toujours aussi petite, quoi. C'est parce que c'est un vampire, ça. Elle brille au soleil. Ok, donc toi, c'est Twilight maintenant. Ça y est, c'est... et donc Kuro, lui, sa particularité, c'est qu'il terrifie les yokai. On sait pas trop pourquoi au début. Parce qu'il a une espèce de d'aura, d'aura qui les fait flipper, quoi. Qui leur fait peur. Et en fait, les deux vont s'associer. Alors, ils vont devenir amants d'ailleurs. Et sinon, ils vont s'associer. Oh non, pas tout de suite. Assez rapidement quand même. Bah non, parce qu'elle, elle veut c'est son crush, mais lui, il s'en fout un peu, quoi. Il est sympa avec elle, mais. Ouais, il sympathise plutôt. elle attend surtout. Il n'y a pas encore de romance entre les deux. Hein. Au début, elle attend. Fin, si, clairement. Ouais, à la fin. À la fin, ouais. À la fin. Et enfin, c'est quand même dans le tamin. Voilà, au début, elle attend surtout que ça casse avec sa copine pour qu'elle puisse avoir une chance. Mais ça a déjà cassé avec sa copine. Oui, mais elle, ça fait déjà des années qu'elle est à fond sur lui. Quoi. Voilà, c'est, on parle du début du tome. Là, et elle va lui parler quand elle sait qu'il est tout seul. Quoi. Dans le tome 1, elle est encore avec. Il y a une histoire et tout qui a l'air en plus assez. Elle a l'air assez possessive d'ailleurs, sa copine. Ouais. Personne n'a le droit d'approcher. Elle traîne à côté de lui à chaque fois qu'il va à l'hôpital de façon à ce que les infirmières ne mettent pas le grappin dessus. Parce que la rupture entre le personnage principal et sa copine, on l'apprend en fin du premier chapitre. Quoi. Ouais, c'est au bout d'un tiers du manga, quoi, je dirais, comme ça. Ouais, un peu moins dans mon souvenir. Ça va très vite. Enfin bref. En gros, ça pose les bases, quoi. Ouais, il pose les bases et c'est plutôt sympa. Mm. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. L'univers a l'air intéressant. Ouais, c'est ça. Et plus ça avance, plus finalement, il y a un moment où il y a vraiment, pour moi, un déclic. T'as un côté flippant chez le mec. Et là, tu comprends pourquoi les Hawkeye, ils sont pas joyeux face à lui. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'on nous laisse pas dans le flou justement sur lui, pourquoi il terrifie les créatures. On nous donne un petit élément, mais pas complètement, quoi. Ouais, on en apprend très vite beaucoup. C'est, oui, l'univers. Ça cherche pas à entretenir des mystères de manière un peu artificielle. Ouais, c'est pas le truc que tu sauras dans 15 tomes. Dès le premier tome, on sait plein de trucs et on peut passer à autre chose. Et, ça, et puis même, il y a certaines créatures, genre lui, l'espèce de majordome zombifié là, qui est plutôt rigolo. La première fois qu'on le voit, c'est dans le métro. La créature est cool. Ouais. Et tu sais, c'est un zombie, donc normalement, ça devrait t'inspirer la peur, mais en fait, c'est lui. Alors, qui a une grosse flippette. C'est ça qui est rigolo. C'est le fantôme d'un ancien guerrier. Oui, en plus, quoi. Voilà. Et en fait, c'est une grosse baltringue, quoi. C'est ça qui est rigolo. Chose que j'ai beaucoup appréciée. Surtout après avoir lu des trucs comme Monster Musume, mais pas de fanservice. Infection, c'est qu'il y a plein de passages où la gamine, elle fait des putains de sauts et des putains de grands mouvements, et il y a zéro plan culotte. Zéro plan culotte. Il y a un vrai respect. Bordel de merde. C'est quand même pas dur de faire zéro plan culotte. Même là, alors que celui-là, il était facile à faire, il n'y en a pas. Et ça fait putain de plaisir. Voilà, c'est tout. C'est assez rare pour être signalé. L'action est cool. Quand il y a de l'action, c'est cool. Ouais, vraiment. C'est très fluide, c'est très lisible. Il y a une bonne lecture des mouvements, il y a une bonne lecture aussi de la géométrie. Enfin, des pièces, des espaces. Il y a un moment où il y a un combat dans une cage d'escalier. La cage d'escalier, tu te la figures bien, quoi. T'as pas un moment des proportions qui vont faire que tu vas dire « Attends, ça déconne, là. » Ouais, même les longs passages de dialogue sont super intéressants. En fait, tout ce passage-là avec donc l'ex du héros qui est devenu flic, en fait, qui a réussi ses examens, et qui discute avec... je sais pas si c'est clairement dit que c'est son supérieur, mais en tout cas, c'est un mec qui est plutôt haut placé, puisqu'il est vraiment une espèce d'inspecteur qui mène des enquêtes. Et donc, il parle d'une fameuse, une espèce de dame blanche, on pourrait dire, à la façon japonaise, mais avec une espèce de grosse poutre en métal qui se travaille partout. Ouais, c'est rigolo. Et ils en parlent, et c'est super prenant, en fait, alors que c'est juste deux flics qui parlent d'une enquête en cours, quoi. Ouais. Et voilà, c'est tout. Les personnages sont super intéressants, très intrigants. Ce passage-là, ça fait un peu X-Files. C'est ça. Mulder et Scully, sauf inversion des sexes, vu que c'est le mec qui loot. C'est ça, et j'espère que ça va tendre vers ça, justement. Ouais. Alors, ce qui est super, je suis un gros fan d'X-Files. Tout ce qui est esprit et fantôme japonais, c'est un truc dont on entend vraiment parler ces dernières années. Ouais. Et je pense que ce manga-là arrive chez nous au bon moment. Bah, c'est pour ça, jusque-là. Au bon moment. Jusque-là, chez Kana, il y avait eu Nora, merde, comment ça s'appelle ? Noura, le seigneur des yokai. Ah oui, Noura. Qui parlait beaucoup des yokai et qui a fait un bide chez nous parce qu'il n'y avait pas la culture yokai. Alors que c'est vrai que maintenant, depuis peu, avec Yo-kai Watch, avec tout ce gros mouvement qui popularise un petit peu les mythes japonais, voilà. Et il y avait, je sais plus, RA51, des trucs comme ça. Oui, il y en a beaucoup aussi dans RA51, mais tu peux pas parler d'RA51 comme un gros succès, donc. Oui, mais à côté de ça. Qui popularise ça... le truc. Voilà, c'est en fait. Puis parle des trucs. RA51, pour le coup, ça plage vraiment partout. Des Yo-kai. Ouais. Ça prend tous les mythes imaginables. Moi, c'est mon deuxième plaisir coupable du mot. Hein. Ah, moi, je le qualifierais même pas de plaisir coupable. Non, c'est bien. C'est un vrai plaisir. Ouais, ça, c'est le sourire, c'est quand j'ai vu le kappa, là, au début, je fais « Oh, le kappa !» Ouais, peut-être le seul reproche que je pourrais faire personnellement, c'est j'aurais voulu voir plus de créatures. Voilà. Ouais, bah après, ça, c'est un premier tome, donc... Ouais, il fallait le temps d'installer. C'est vrai qu'on en voit 3-4. On en voit pas énormément, quoi. Bah, on voit le majordome, on voit le dragon. Enfin, on va pas trop en dire non plus. Mais... le kappa. On voit un tanuki. Oui, le tanuki, j'avais oublié. Le tanuki, c'est un mec, un mec à un moment qui arrive et puis finalement, c'est un tanuki. Et voilà. Je dis, ah, bah ok. J'espère, et j'espère qu'on reviendra aussi sur le passage, sur toute sa mutilation, etc. Le rituel, tu vois, en savoir un peu plus. Oui, non, savoir un peu plus. Qu'on nous laisse ça, pas ouais. que ça, quoi. Parce que, sinon, que si j'ai bien compris, elle a perdu la mémoire hein, de ce qui s'est passé par rapport à ça. Ouais. C'est, elle était retrouvée sur un banc avec une jambe en moins, ouais. Pissant le sang, avec un œil nuclé. C'est ça. Et puis on a toujours pas vu bah, le mec, ce qu'il devient après. Puisqu'il y a une espèce de petite ellipse à un moment. Mm-hmm. Donc on sait pas trop ce que lui il est devenu après. Enfin, est-ce qu'il sait mieux se battre, est-ce qu'il sait mieux maîtriser, voilà. Bah déjà son passif aussi, ça va être quelque chose quoi. Oui, parce que, ouais, pour avoir une espèce d'aura qui fait peur à des créatures assez improbables, voilà quoi. Bah là-dessus on commence à savoir des trucs. Mais... Ouais, voilà, on commence à savoir des trucs. Ça pose déjà, des bases quoi. Déjà le conseil, déjà tu te dis oh là, ça trempe dans des trucs bizarres. Ouais. Mais ouais, clairement une bonne lecture. Moi voilà. Je recommande direct. Direct. Direct. L'esthétique s'y prête totalement, sinon. Quand je dis que l'esthétique, des fois, sert à l'histoire, l'esthétique est cool. Je veux dire, le personnage, c'est limite, elle a un design de friandise. C'est vraiment la petite fille, tu te dis « Oh, elle est mignonne !» La première fois que j'entends cette expression. Non, tu sais, celle à qui t'as envie de t'offrir une peluche, une fête foraine ou des trucs comme ça, quoi, c'est pas... D'accord. Toi, t'offres souvent des peluches à des gamines que tu rencontres dans la rue. Non, pas du tout, mais tu vois, c'est, limite, c'est la petite sœur, quoi. La petite sœur, mais qui ferait du cosplay, quoi, parce que là, c'est, on arrive sur des vêtements improbables, quand même. Ah oui, elle a une canne qui est marrante aussi, ça m'a fait... Oui, elle a une canne. Elle a une canne, oui. Mais elle a une canne avec un petit animal dessus aussi. Issam, je voulais pas te dire, je te trouve mignonne avec tes couettes, je t'offrirai une peluche moi aussi. Ah, c'est gentil. Mais je veux dire, quand la peluche, voilà. La peluche du chat de Hattrick. Quand tu la vois comme ça et que tu la vois après en fight, tu te dis, oula, c'est pas la même. Issam, je trouve que tu ressembles à une friandise. Voilà, le plan le plus gratos du truc. Oui, ouais, c'est tout. Et encore, c'est justifié, on est dans la vestiaire. Voilà. Dans la vestiaire, la nana se change en tenue civile après son boulot, bon. Et il n'y a même pas de culotte, hein. Justement, il n'y a pas de plan culotte, même là. Voilà, c'est un plan soutien-gorge d'une poitrine de femme normale. C'est ça, surtout. C'est ça, une poitrine de femme normale, un bon 95F. Il est con, lui. C'est pas du double D, hein. Ça, c'est... Ah non, je pense que c'est même pas du double B, donc... Il y a un chapitre bonus avec le kappa à la fin. Ouais, oui. Mais qui est rigolo. Mais c'est vrai que le bestiaire est cool. Ils l'ont pas sûrement gagné. Enfin, le peu du bestiaire. J'espère qu'il sera étoffé aussi. Le peu qu'on en voit. Je pense qu'il le sera, oui. Je veux dire, quand par exemple. Il ne peut que l'être, hein, franchement. T'as la tête de zombie là qui dit à la fille il fait peur le mec, il pue et puis en plus il est moche. Mec, t'as un corps pourrissant. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais pourquoi on parle d'Anouna tout d'un coup? Hein? Oh, c'est un kappa, Anouna. Ah, ça expliquerait des trucs. Donc 7 tomes pour l'instant de sortie au Japon. D'accord. Le tome 2 sort en mars. Cool. Et la couverture en jette pas mal. Putain, ça vient. Oui, effectivement. J'aurais envie de voir ça en animé. Couverture du tome 2. Ah ouais. Qui est très très jolie. Ouais. J'aurais envie de voir ça en animé. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des trucs. Ça arrivera, je pense. Et donc voilà, une recommandation de l'équipe Casse sur table. N'est-ce pas? Dieu sait que ça a de la valeur, quand même. N'est-ce pas? Trop cool. Et puis en plus, pour le prix que c'est, parce que c'est 1,50€ moins cher que Alice. Oh, le maître étalon, quoi. Alice, ça va être le maître étalon. Par contre, encore une fois... Le papier, par contre, bon. Voilà, c'est Pika, donc bon, le travail d'Ito est pas non plus foufou, quoi. Encore une fois, bon, il n'y a que cette page couleur-là qui saute, mais bon. Voilà. Bon, après... Ouais, au moins, il n'est pas vendu 7,75€. Ouais. Au moins, il est vendu. Il est vendu plus cher que leur prix shonen normalement, mais bon, c'est pas trop grave. On va leur pardonner pour cette fois-là. Bon, passons au dernier titre de cette sélection. Côté comics, un titre édité par Glena Comics. Putain, on aura fait tous les éditeurs aujourd'hui quand même. Un titre édité par Glena Comics, écrit par Greg Rucka, dessiné par Nicolas Scott. Merci. Et édité aux US par Image Comics, Black Magic. Est-ce que Issam, tu veux nous en parler? Alors, Black Magic, c'est l'histoire de Rowan Black, une policière sorcière qui un jour est interrompue alors qu'elle est en train de faire un rituel avec ses camarades sorcières pour aller sur une scène de prise d'otage où un mec demande absolument sa présence. Et ce mec menace de la tuer et elle est obligée d'utiliser ses pouvoirs pour le pousser à s'immoler. Et après ça, elle commence à se rendre compte que visiblement des gens lui en veulent, des gens en veulent à son secret, donc à sa position de sorcière, et qu'il y a une magie maléfique dans l'air, quelque chose que visiblement elle a déjà rencontré et qu'elle va devoir affronter. Alors, parce que lui-même, le preneur d'otages, semble être au courant de certains trucs aussi. C'est ça, mais il semble être manipulé aussi. Oui, il est manipulé. Manipulé voilà. On est d'accord qu'elle a touché à peu près à toutes les magies. Hein. Je veux dire, elle n'a pas touché qu'à la magie blanche. Hein. Clairement, elle aussi. Mais elle, disons qu'elle a des idéaux louables. Voilà. Contrairement à ses ennemis. Je ne vais pas trop en dire parce que. Alors, je me rappelle plus qui s'immolait. Pas trop spoiler, oui. Je me rappelle plus qui s'immolait. Parce qu'en fait, il a un briquet comme ça. Il a un briquet. Normalement, l'essence est autour d'elle, mais. Oui, elle contre le truc. C'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, elle le bute, mais par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut pas faire autrement. Oui, c'est ça. Elle peut pas faire autrement. Bah, il y a une histoire de prénom. Apparemment, chaque sorcière a son prénom qui doit rester secret. Prénom, voilà. Et donc il connaît son vrai prénom, donc elle est forcée à le tuer. Faire disparaître. Alors, on va pas trop en dire sur l'histoire pour pas trop en révéler. Après, c'est quand même un tome qui est principalement là pour poser les bases d'un univers. Ouais. Alors, visuellement, c'est sublime. Visuellement, c'est magnifique. C'est sublime. C'est en noir et blanc, avec des touches de couleurs qui, du coup, quand elles ressortent, sont vraiment intéressantes. Et puis les touches de couleurs qui ne sont là que lorsqu'il y a utilisation magique. C'est ça, c'est que la magie qui est en couleur. Donc ça renforce encore plus l'aspect magique du bordel. Du coup, c'est une très bonne façon justement de mettre la magie en présence. Ouais. Bah, et surtout qu'elle n'est pas utilisée tout le temps. Ouais, oui, mais fois, c'est juste des toutes petites touches, des tout petits sorts qui sont utilisés. Bah là, justement, c'est pour ça que ça ressort encore plus, le fait qu'elle soit mise en couleur. Là, il y en a un, c'est mettre une marque sur un briquet. Ouais, voilà. Voilà, c'est pas... C'est ça, c'est pas grand-chose. Puis surtout, de ce qu'on comprend, c'est que là, elle est obligée de le faire parce que ça touche à elle, mais en règle générale, je pense que dans sa vie civile, elle s'en sert même pas, en fait, de la magie, quoi. Oui, voilà. Oui. C'est juste, elle fait partie d'un groupe de sorcières... De sorcières slash sorciers, il y a aussi des hommes avec eux. Mm-hmm. Mais voilà, oui, effectivement. Elle a un crew. Elle a un crew. Elle a un crew, gros. Alors à un moment, il y a un combat contre une witch, mais la witch, c'est celle qu'on retrouve dans Left 4 Dead, quoi. C'est, Et puis elle fait vraiment flipper pour le vêtement coup. Déchiré, elle a vraiment des griffes à la place des orteils et des doigts. Enfin, c'est. elle fait penser à la vieille dans Insidious. Ouais. Un petit peu. Enfin, de la référence. Ça, James voilà, Swan. La vieille Insidious fusionnée avec la witch de Left 4 Dead. C'est ça. C'est... Ah. tu la croises dans la rue, c'est toi qui changes de trottoir. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'elle a traumatisé plus d'un, quand même, cette witch dans Left 4 Dead. Mm. Ah bah, quand on pense, vieille, tu l'entends crier, ouais, la vieille. La vieille d'Insidious aussi, mon gars. Ouais, mais j'ai pas vu Insidious. Il y a plus d'un truc qui en a traumatisé. Insidious, quand tu clignes des yeux et quand tu les rouvres, elle est en gros plan sur l'écran, tu fais ah. C'est pas pour moi ça. Ah non, il est génial ici. Ah oui. Enfin tout James Wan est extraordinaire. Voilà, Regardez James Wan. Regardez ses films. Vivement Aquaman. Ouais. On est juste en attente d'un film d'ici parce que c'est lui quoi. Oui, parce que c'est réalisé par James Wan quoi, c'est tout. Enfin non, on attend quand même Wonder Woman 2. Oui aussi. Bonjour, c'était l'instant. Regardez clap. Et là, on a parlé plein d'œuvres dont on ne parlera pas dans le prochain Garnet. C'est ça. Non, mais voilà, c'est même niveau histoire, ça pose plein de trucs super intéressants. Effectivement, c'est plus un tome de développement de l'univers, voilà. Mais ça le développe bien et ça met en place des trucs qui donnent envie de lire la suite. Et puis, c'est même plus un tome de présentation de personnages plus que d'univers. Oui, parce que tu vois, on sait qu'il y a de la sorcellerie, qu'il y a des sorcières, mais on ne sait pas trop d'où elles viennent, on ne connaît pas leur historique. Mm-hmm. Voilà, ça, à voir si c'est mis en place plus tard ou si Ruka s'en fout au final. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour comparer avec une autre œuvre de Ruka, Lazarus, qui se passe dans un monde post-apo, à aucun moment il nous explique comment le monde en est venu là. Tu vois, il s'en fout. Quelque part, est-ce qu'on veut savoir? Oui, voilà, c'est ça. L'important fois, dans Lazarus, c'est ce qui se passe au moment où il raconte l'histoire, quoi. Sinon, chose intéressante, j'ai l'impression qu'il y a un moment, il est parti sur des bases photos pour faire ses cases, ses postures, parce que... Possible. Il y a vraiment un... un respect des proportions qui est énorme, malgré les angles de vue qui sont improbables. T'as un truc avec les proportions, toi. Bah, c'est quelque chose... Il y a toujours, ouais. Ah non, non, mais c'est, en dessin, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à respecter, surtout sur un corps en mouvement. Quand tu veux vraiment que tu veux créer du mouvement, de la rotation et tout ça, bah, que, les proportions, tu, généralement, il y a un moment où tu les flingues, quoi, parce que c'est, ça se fait pas, quoi. C'est... Tiens, pour illustrer ce que je dis, je passe juste ces cases-là, déjà. Et petite info, du coup, du côté du titre en VO, où il a connu une grande pause. Une grosse pause de près d'un an. On va à peine avoir, je pense, le deuxième volume en, aux États-Unis. Donc je pense qu'en France, oui, puisque là, avec un peu de chance, on l'aura peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Fin d'année, je pense. Voilà. Donc, fin d'année, avez... début d'année prochaine. En fait, ouais, grosse difficulté pour avoir le... Ouais. Comment ça se fait qu'il y ait eu une pause là, bah, c'est Ruka, quoi. C'est Ruka, il a plein de projets. Il a plein de projets en même temps, donc... Alors on est d'accord. Le mec, il fait Black Magic, il fait Lazarus, il fait Wonder Woman actuellement chez DC. Alors très très bonne série, Wonder Woman Rebirth, excellent. Je sais pas. Bah je te le dis, c'était excellent. Moi j'ai vu des retours, ça avait l'air plutôt mitigé. Oui mais tes retours ils puent. Sinon, toucher agréable de la couverture. Hein. Ah mais toujours les couvertures peau de pêche de chez Glénat, c'est extraordinaire. C'est les meilleures. C'est agréable. Ah. Et puis, comment il nous a dit ça ? C'est vrai que c'est agréable. Les petits bonus à la fin. Alors par contre, après avoir fait ça, tu l'achètes. Hein. Si tu mets ton fluide dessus, je veux dire. Hein. Ton fluide. Les petits bonus à la infection. Fin. Infection. Ah. Alors, par les contre, petits bonus à la fin. Alors oui, mais justement, les petits bonus à la fin, parlons-en. Glénat Comics, il va falloir m'expliquer. Lorsque vous sortez une édition collector, certes, vous mettez des bonus spécifiques à l'édition collector. Je suis d'accord. Mais pourquoi vous ne mettez pas dedans les bonus relatifs à l'édition normale ? Ah merde ! C'est-à-dire que dans chaque édition, il y a des bonus qui ne sont pas dans l'autre. C'est complètement con ! C'est étrange ! Oui, parce que normalement, il devrait avoir... Ah oui, il devrait avoir tout le contenu de l'édition normale, plus le contenu collector. Alors que non. Dans l'édition collector, il n'y a pas les bonus d'édition simple. Mais voyons. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En plus, je préfère franchement la couverture simple à la couverture collector. Oui. Couverture collector est classique, noir, blanc et doré, alors que là, ben, c'est cool. Ouais. Et je pense aussi que Black Magic pourrait être un bon comics pour les lecteurs de franco-belge qui ne lisent pas du comics d'habitude. Mmh. Parce le style de dessin fait très franco-belge. Il n'y a pas d'extravagance, il n'y a pas de sortie de case comme on peut le voir d'habitude dans les comics. Voilà, c'est très, ouais. C'est très quadrillage en fait. Les cases sont très franco-belges, oui, les annotations, les cases et tout ça. C'est très quadrillé et je pense que ça pourrait être dépaysé parce que pour le prix d'un comics là, t'as deux BD franco-belges. Quoi. Putain, tu te rends compte ? Ils vont se dire, mais merde, putain, on s'est fait. Mais merde, on s'est fait niquer pendant des années. On s'est fait niquer pendant des années. C'est il y a combien hein ? Il est à 17,50. Ouais. On se dit, mais merde, putain! Pendant des années, on s'est fait niquer. Un album peut avoir plus de 50 pages? Oh vache! Mais comment c'est possible? Et en plus, dans le comics, ils ont en moyenne 2 tomes par an, mais comment c'est possible? Mais c'est une intégrale, votre truc! Mais c'est quoi ces ombrages? Y'a pas ça dans Tintin! Après Tintin, voilà quoi! Comparons avec les possibilités de l'époque! Le truc du franco-belge, c'est qu'en plus, l'auteur n'a rien au final, quoi, quasiment. Comme thune? Ouais. Oh bah eux aussi, hein, je te rassure, mais bon. Oui, mais eux, je m'en fous. T'as vu un petit peu ce chauvisme, quoi. Et après, tu parles des Italiens. C'est hein. Les Amerlocs, ça leur apprendra. Oh, le chauvisme, oh là là. Alors que beaucoup d'auteurs franco-belges ne sont pas français, mais. Voilà, quoi. Bon, après, on charrie, mais bon. Oui, voilà. On vous aime aussi, auteurs de franco-belges, même si on a encore chroniqué zéro. C'est Robédé. Assis Zouzou. Oui, mais non, mais c'est pas du franco-belge. Ouais, non, c'est pas chinois. C'est mis dans les mangas, Batman. Je crois. Ah oui, le Batman, oui, c'est vrai. Et tu nous as fait une chronique. Oui, tardi. Moi aussi. Oui. Tu nous as fait une chronique tardi. Mets-toi, bah oui, oui, oui. Mets-toi, on s'en fout. Année, ah, ouais. Mets-toi, on s'en fout. Que j'ai acheté. Alors c'est bien. Tu l'as lu, ça y est. Messieurs, Black Magic, j'allais dire Black Clover, non. Black Magic, c'est très très bien. Ouais. Nous recommandons. Une bonne note. Maintenant, on verra le tome 2, parce que les critiques sont beaucoup moins enjouées pour la suite qui est en train de se dérouler aux US. On verra. Après. Bah, il faut que ça décolle, quoi. Si ça décolle pas. Après, est-ce que c'est pas aussi une haine des gens qui ont attendu quasiment un an avant d'avoir la suite et du coup ils sont déçus ? Tu vois ? Ça peut être ça aussi. Ça peut jouer. Un petit peu comme quand on tombe sur un gros cliffhanger putassier à la fin d'un Berserk numéro 39. C'est ça. Ah putain, je vais te tuer ! Voilà, Black Magic. En 2022. Black Magic, une recommandation de toute l'équipe. Oui. Encore une fois. Eh bien, nous avons fini le tour des dernières nouveautés. Il est grand temps de laisser la parole à Monsieur Necro, qui va nous faire une petite recommandation toute pimpante. Aux petits oignons. Aux petits oignons. Sur un comics édité par Urban Comics en France, édité par DC Comics aux US, j'ai nommé Mad Love de Bruce Timm et Paul Dini. Putain, en plus, vous avez survendu le truc, c'est terrible. Alors, Mad Love... Ah bah, si tu dis de la merde, on te tombe dessus. Mad Love, pour moi, c'est un petit message d'amour à ceux qui ont aimé la série animée des années 90 de Batman, avec surtout la lumière faite sur la relation entre Harley Quinn et le Joker. Mm. Et on ressent sa folie, on voit sa genèse, on ressent sa folie, et il y a des passages où on sent que bah, ils ont compris que le public, entre-temps, avait vieilli, et donc ils se permettent des blagues un peu plus adultes. Et oui. Ce que j'ai aimé dans cette édition-là, oui, c'est oui. Qu'il y a toute une partie bande dessinée qui est cool. L'édition est cool, d'ailleurs, hein, franchement. Et en plus, il y a toute une grosse partie, et ça m'a surpris au départ, une partie énorme sur la production du livre et pas mal d'histoires concernant justement aussi la série en elle-même. Et ça fait plaisir. Et pour en ce moment, il y a un DVD en plus qui ouais. est avec, qui est le DVD de, du film Mad Love. Du film Mad Love. Une édition, donc le comics plus le DVD à 20 balles. Voilà. Ça fait plaisir. C'est ça. J'aime bien le fait que tu aies réfléchi des fois qu'ils aient mis le film Mon cœur est chez les linguistes. C'est la vache et le prisonnier. Pouic pouic. Pouic pouic. Oh putain, il a pas eu du mal. Les évadés. Ah, c'est Madeleine de Proust. Et donc, on va parler. Donc, alors maintenant, on va aller voir donc, sur Amazon les commentaires du livre. Il est con. Mais Mad Love, oui, c'est clairement un putain de comics. Et franchement, c'est pas, ça décape pas au moment où on le lit. Mais c'est super, c'est qu'on a, au bout, à chaque fois qu'on retombe dedans en rangeant ses livres et tout ça, bah, on a envie de le reprendre et de le relire un peu. C'est un peu comme un épisode qu'on aimerait revoir de temps en temps. Des fois, on a des trucs comme ça, des DVD où on se dit ah ouais, tel épisode, je me le referais bien parce que je l'ai trouvé cool. Bah, c'est ça. Mad Love, c'est ça. Pour le coup, je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai que déjà, visuellement, bah, c'est le style de la série animée. Ouais. C'est magnifique. C'est Bruce Timm, donc ouais. Et j'adore l'Harley Quinn telle qu'elle était à l'époque. Mais alors, l'Harley Quinn Harlequin. Et il y a une blague qui est devenue un mème internet. Harley Quinn en nuisette sur le bureau du Joker à quatre pattes. Tu veux chevaucher ta Harley. Tu veux pas faire un... Voilà, tu veux pas chevaucher ta Harley. Tu veux pas faire un tour en Harley. Voilà. Effectivement, l'humour est devenu un peu plus mature. Hein. Et ça, c'est mis en abîme. Dans le... J'en dis pas plus, mais c'est mis en abîme, cette scène-là, dans le livre. Mm. Et c'est cool. Ils en font référence aussi dans la bande dessinée Harley Quinn. Ouais. Dans le premier, déjà, ils en font référence. Moi, je trouve ça marrant. Ça me fait plaisir. Il y a une petite touche de nostalgie c'est cool. Et puis surtout, on a la vraie relation entre le Joker et Harley Quinn. La vraie relation telle qu'on nous l'a toujours décrit, pas celle de... Bah c'est celle où il la pousse dans le bain d'acide, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je veux dire la vraie relation où elle est vraiment dans le love, mais lui, il s'en fout. Ah, ouais. La relation abusive, en fait. C'est ça. Ah, complètement. Alors, pas la relation que Warner essaie de nous foutre dans Suicide Squad, quoi. Ou genre, ils sont tous les deux dans le love. Bah non, les gars. Vous avez juste rien compris à la relation Harley Quinn-Joker. Il s'en branle, il s'en... Il s'en fout d'entretenir la relation, lui, et des fois, bah, quand il se rend compte qu'il commence à perdre la main sur elle et qu'elle est utile, là, oui. Il va commencer parce que c'est à ça. La reséduire. Parce que c'est ça le plus cruel, c'est qu'il a conscience qu'elle est en love de lui. Ça, voilà. il le sait pertinemment, et c'est sur ça qu'il joue. Ce connard. Non, mais voilà. Et chose qui a été très bien respectée aussi dans les... dans les Arkham, les jeux Arkham, pour moi, c'est le meilleur hommage à justement cette partie série années 90. C'est cool. Ils sont bien les jeux Arkham. Mis à part le Origin qui est pas terrible et puis le dernier. Le dernier j'ai pas joué. Trop de Batmobile. En plus, la Batmobile, elle bug. Des fois, elle disparaît. Et donc, tu cours dans la rue. Ma Batmobile, ma Batmobile. Là, j'avais fait un truc magnifique. Ils ont volé mon vélo. J'avais fait un truc magnifique où, à un moment, il y avait Batman qui activait la Batmobile. Là, il y a le grappin de la Batmobile qui s'accrochait n'importe où et la Batmobile qui s'écrasait dans un coin de merde, dans les égouts, dans un collecteur. Là, tu dis, ouais, ça va être difficile de la récupérer. Les vieux bugs à la con. Alfred, j'ai un problème avec la Batmobile. Alfred, on est comment sur le compte en banque, là? Il va falloir refaire un achat. En plus, on est d'accord, c'est la Batmobile façon Nolan qu'ils ont refait. Oui, hein, c'est la Batmobile tank. Ouais. Que j'aime bien, moi. J'aime bien la Batmobile. J'aime bien le design. J'aime bien la Batmobile Nolan, moi. Mais là, ça marche moins bien parce qu'elle fait des jobs de fou quand même. Bah, oui. Elle est comme les films de Nolan, quoi, lourde. Je trouve qu'elle colle bien dans l'ambiance de Nolan parce que. Ah oui. Parce que Nolan veut faire passer son histoire dans un truc réaliste. Or que là, il aurait pris la Batmobile des comics, ça aurait fait tâche, concrètement. J'ai pris une 205, je l'ai tunée. C'est tout mon problème avec les films de Nolan, hein, sa volonté de faire réaliste, qui se part comme une grosse merde. Ah putain, mais quelle violence. C'est un de mes problèmes, et le deuxième, c'est que plus je les revois, plus je me rends compte à quel point c'est des films ultra fachos, en vrai. Surtout le 3. C'est parce que t'as vu le 3 en premier. C'est ouf. Quand il réfléchit, le 2 aussi, c'est... En fait, le 3, il fait ça avec le communisme, le 2, il le fait avec l'anarchisme. Mais il est ultra facho aussi, le 2, en vrai. Bah attends, on va appeler Nolan pour c'est en savoir plus. Il marche, je pense, qu'il y a Heath Ledger, mais c'est... Ouais, je m'en fous, mon préféré, c'est le 1. Et là, c'est l'État, la justice et tout ça, ça va, c'est cool. Moi, je préfère les Tortues Ninja de Michael Bay. Ah là là. J'ai vu la bande-annonce, ça m'a suffi. Des Tortues Ninja de Michael Bay? Ouais. J'avais vu le début quand j'étais dans un... Non, moi, j'ai fait le film, mon Dieu. J'ai regardé le film, mon Dieu, quoi. Une scène qui a servi pour la promo que j'ai trouvé cool, c'est quand ils sont dans l'ascenseur et qu'ils commencent à faire de la musique. Et bah, dans le film, à un moment, il faut que je raconte cette scène parce qu'elle est juste ahurissante. Il y a le feu dans le labo du père d'April O'Neil. Après, il y va. Il y a son père qui est en train de cramer. Et elle sauve ses tortues plutôt que sauver son père. Et là, t'es là, tu regardes le film et tu fais... Quoi? Pardon? Attends, quoi? Il vient de se passer quoi, là? Voilà. Son père, il meurt, du coup? Bah oui. Ah. Ouais. Voilà. Non, après, il arrive à moitié en flamme. Ah, oh, ma chérie, t'as sauvé les tortues. T'as bien fait, hein. Oui, parce qu'en plus, c'est les tortues d'April, quoi. C'est elle qui les a baptisées, Donatello, Raphaël. Voilà. Avec une petite tache de couleur qui correspond au bordeaux qu'ils auront plus tard. Ouais. C'est trop mignon. Déjà à ce parce que toi aussi, tu l'as vu, le film? Ouais. Et il est catastrophique, hein. Mais il y a des bons moments quand même. À côté de ça, les plans caméra sur le cul de Megan Fox, ils m'en seraient bien passés. Voilà, c'est catastrophique. Notamment la scène du camion. La scène du camion dans la descente en neige, où là, c'est, tu vois son cul, mais pendant 5 minutes, quoi, t'es allé, stop. Mais, on s'en rend. Je crois que Michael Bay n'a pas encore découvert que Megan Fox avait un haut du corps. Ouais. Alors, Megan, tu vas tourner comme ça, là. C'est où? Bouge un peu le croupion, là. Relève un peu le croupion. Non, mais à chaque fois, j'imagine, moi, le réalisateur en train de donner ses ordres de jeu d'acteur. Et là, relève le croupion. Je l'ai eu en tête plusieurs fois en voyant l'image. Non, mais en plus, c'est ouf. C'est ouf qu'elle revienne sur un projet Michael Bay après qu'il l'ait traité comme une grosse pute pendant Transformers, quoi. C'est juste ouf. J'ai pas compris. Et puis elle l'avait traité de nazi. Mais parce que dans Transformers, alors je crois que c'est dans Transformers, c'est dans lequel qu'on la voit plus. C'est à partir non dans le 3 déjà on la voit plus. Dans le 3. Dans Transformers 3, il y a un des Transformers qui la traite de pute. Texto. Il y a quand même un Transformers qui fait une réflexion au personnage. Ça, hey, t'es plus avec cette connasse. Et là tu fais mais quoi? Alors qu'en fait il y a rien qui justifie ça. Dire elle a été cool dans les deux premiers quoi. C'est gratuit. Tu fais mais quoi? Quelque chose, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ces films? Michael Bay, hein. Tu peux s'empêcher de faire des attaques personnelles dans ces films. On fera un guerre d'éclat spécial Michael Bay. Oh putain. Oh non. Oh putain. Oh merde. Bah c'est dans Armageddon qu'il a, appelé certains missiles de fin là, avec des noms de films. Ah oui, ouais, ouais. Oui. Oui, il y en a oui, un oui. Ou deux comme ça, et puis tu te dis il aurait pu en faire 10 000, il aurait mis plein de noms de films, tu vois. Il y a... Malheureusement, je vais citer 2 heures de perdu qui en a parlé dernièrement. Oui, c'est le running gag de l'épisode. Et il disait, moi j'ai trouvé ça quand même un peu fort quand il y avait la navette Anne Frank qui s'est écrasée. Et puis le train, voilà, l'entrée du train en gare de la Ciotat, ça aussi c'était un peu trop. Oh la vache. Ah, les petits interludes gare des Claps, c'est ça. Dans nos podcasts. Ah, il était bien ce 2 heures de perdu. Un podcast sponsorisé par Gare des Claps. Se casse sur table. Ben voilà. Bon, personnellement, je préférerais quand même faire un numéro spécial James Wan. Oh oui, tu m'en veux pas, hein. Oui. Quand Aquaman sortira, on en profitera. Voilà. Mais du coup, il va falloir que Alex prenne son courage à deux mains pour regarder des films d'horreur. Tu te fous que juste pour le fun, un jour, on va devoir en regarder un. On va devoir en faire un spécial UV Ball. Hein. Ouais. Ah la vache. Messieurs, il est grand temps de clôturer on ce podcast. Depuis son restaurant. Hein. Non. Non. Il est grand temps de clôturer ce podcast. Petit tour de table. Alex, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les Twitter, casse sur table et garde éclate. D'accord. Nécro, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je retweet toujours les trucs casse sur table, garde des claps, et puis sinon, on me retrouve principalement sur Twitter, sous Necronomicon. D'accord. Issam, YouPorn, c'est ça? Toujours, ouais. Rubrique non, ouais, cinéma t'es archiviste. Pas passé à Pornhub? Oh, je suis sur les deux. D'accord. Ah. Je diversifie mon public, comme ça. Rubrique SM. Non, bah, toujours sur la chaîne L'Archiviste du Cinéma pour suivre mes émissions de L'Archiviste, rubrique, enfin, analyse de films, et Opération Nanar, où je commande des nanars avec des compagnons d'armes qui acceptent de souffrir en ma compagnie. Voilà. Et je me permets de te corriger, des analyses de films de Jackie Chan. J'ai fait qu'une fois Jackie Chan, ça ouais, va. Ça manque de Louis de Finesse quand même sur cette chaîne. Eh oui, bon, bah j'en ferai un jour. Il n'y a pas un pouic-pouic asiatique? Faudrait chercher. Une petite soupe au chou asiatique, ce serait bien. Oh là, oh l'horreur. Il y a moyen que ce soit ignoble. L'arrivée en gare du... L'arrivée du train en gare de Shanghai. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Non, j'ai pas connaissance. Bon, et quant à moi, vous pouvez me retrouver au 44 rue du Jard, à la librairie Au Gré des Bulles, là où nous enregistrons toute cette série de podcasts, casse sur table, mais également La Guerre des Claps, notre autre podcast cinéma, série, télé. Vous pouvez également me retrouver sur la chaîne YouTube et Twitch, Gamer Bizarre Adventure. Il est grand temps de vous dire au revoir, et on se retrouve prochainement, dans notre prochain numéro de casse sur table, ou de La Guerre des Claps. À bientôt. À bientôt. À bientôt, salut.